La Comédie Française interprète pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique. Une émission de Jacques Régnier et Jean Debert. Ce soir, nous vous invitons à écouter La Petite Chocolatière, comédie en quatre actes de Paul Gaveau, avec le concours de messieurs Louis Seignier, La Pistole, Jacques Charon, Paul Normand, Georges Chamara, Mingassol, Robert Hirsch, Félicien Bédaride, Maurice Portera, Monsieur Boissy, Louis Aymon, Le Récitant, Georges Baconnet, Monsieur Toupet, François Vibert, Casimir, René Arieux, Pinglet, Bernard Dérand, Hector de Pavézac, et Mesdemoiselles Micheline Boudet, Benjamine, Yvonne Godot, Rosette, Javotte Lehmann, Julie, et Denise Pezzani, Florise. La pièce de Paul Gaveau est écrite en 1909 au Théâtre de la Renaissance avec un très grand succès. Pour certains d'entre vous, pour beaucoup j'espère, car il faut souhaiter à tous une longue vie, La Petite Chocolatière est un souvenir de cinéma, mais c'est au théâtre qu'il faut revenir. Vous allez assister ce soir à une pièce qui est bien charmante et bien divertissante, vous allez le voir. Quand elle commence, il est 10h30 du soir. Le premier acte se passe dans une maison de campagne des environs de Paris, simple, accueillante. Elle respire l'aisance plutôt que le luxe. Autour d'une table de bridge, nous allons trouver Paul Normand, qui sait jouer ou qui croit savoir jouer. Félicien, l'artiste qui est sûr de jouer très bien. Sa petite amie Rosette, qui fait ce qu'on lui dit. Et la petite bonne Julie, qui fait quatrième parce qu'il en faut un. Pas jouer, Julie, je vous en prie. N'importe quoi, mais jouer. Tant pis. Trèfle. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Je prends. Oh. Et deux carreaux maîtres. Ça nous fait le trick. Vous n'aviez donc plus de cœur. Si, fait le 3 et le 2. Mais ils étaient maîtres. Nous faisions deux levées, nous gagnions la partie. Non, c'est décourageant. Ah, ben ça ne fait que 15 jours que j'ai appris, je peux bien faire des fautes. Vous en faites bien, vous. Moi? Oui, vous. Et puis, Monsieur Félicien aussi. Et puis, Mademoiselle Rosette encore plus. Ah, ben je me laisserai pas maltraiter, vous savez. Bon, enfin, c'est bon. Oui. Meurs de soif, moi et vous. Bon, c'est pas de refus. Bon, ben, apportez-nous de la bière. Hein. J'y vais. Mais je tiens à vous dire que si j'ai fait perdre le trick cette fois, hier soir, vous avez coupé à cœur et ça m'a coûté 2,70 €. Alors, nous sommes qui? Bon. Oh non, elle devient impossible. Vous avez entendu de quel ton elle me répond? C'est vous qui avez commencé. Ben, admettons, mais c'est ma bonne, après tout. Dis, je te dis pas, mais tu as tort de la bousculer comme ça. Oh. Elle finira par ne plus vouloir jouer. Et dans ce pays où tu es venu prendre tes vacances, si nous n'avions pas la bonne pour faire notre quatrième au bridge, je me demande de ce qu'on ferait des soirées. Oh, mais mon cher, si tu t'ennuies chez moi... Oh, bah vous savez bien que non. Ah, pardon, c'est pas folâtre ici, Et comme tu sais parfaitement que je peux pas emmener Rosette ailleurs, attendu que j'ai pas le sou... Ah, mon cher Félicien, je n'ai pas voulu dire... Oh non, je sais pas ce que tu as voulu dire, je sais ce que tu as dit. Tu as dit, si tu t'ennuies chez moi, eh bien moi je te réponds, même si je m'ennuyais, je resterai parce que nous avons besoin, Rosette et moi, de l'air de la campagne. Et que tu as beau manquer de tact, tu as une petite maison à Suzy, Heure, à la lisière de la forêt de Lyon. Où je suis très très heureux de vous recevoir, vous le savez bien. Et nous en sommes très touchés. Oh, dis, qu'est-ce que tu ferais de la chambre que nous occupons, Rien. Évidemment. Bon, alors par conséquent, nous ne te gênons pas. Mais je n'ai jamais dit que tu me gênes. Ah non, bon, reste la question de nourriture. Dieu merci, j'ai le cœur assez bien placé pour ne pas m'attacher à ces misères. Fais-moi l'honneur de croire. Eh bien, moi, je suis contente d'être ici. On est si bien. Bon, tu es contente. Tu es bien parce que tu es avec moi. Dis, tu m'aimes. Là où je suis, tu respires. Mon vieux Félicien, mais c'est toi qui me rends service. Tu meubles ma solitude. Et puis moi, qui ne serai jamais rien, j'aime à penser qu'on dira plus tard dans ta biographie, Félicien Bédaride, l'un des maîtres de l'école française moderne, avait pour ami intime Monsieur Paul Normand. Je suis si fier de toi. Oui, j'ai beaucoup de talent. J'ai un avenir splendide. Et ce qui me manque, c'est le présent. Même pas. C'est l'occasion. Mais elle viendra, mon chéri. Mais je le sais et je l'atteins, Suzy. Heure. Puisque le caprice de Paul nous a fait villégiaturer ici cet été. Moi, j'aime beaucoup cette forêt. Oh, elle n'est pas mal, mais la forêt, c'est pas précisément ce qu'il me faut à moi. Je suis portraitiste. Il m'aurait fallu Trouville. Enfin. On fait de très jolies excursions dans la forêt. Oui. Depuis qu'il y a un tandem ici, c'est assez agréable. Ah. Tu as fait assez de façons pour l'acheter. Tu disais que tu fais pas de bicyclette, que si, que là. Ben, tu vois comme nous, comme il est utile. Oui, j'en suis ravi. Tu devrais toujours te laisser guider par moi. Tu es un bon garçon, mais tu es un neutre. Tu es d'une petite famille qui t'a laissé de petites rentes. Tu as une petite place dans un tout petit ministère. T'es la mutualité. Alors tout ça, c'est mesquin. Moi, je vois l'arbre. Chacun sa nature. C'est justement parce que nous sommes différents que nous nous entendons. Bah oui, mais il y a des choses en toi qui m'agacent. Ainsi, tu es dans un ministère. Bon, ça va bien. Mais tu vas tous les jours à ton bureau à l'heure exacte. Eh bien, veux-tu que je te dise, c'est mesquin. Sans compter que ça doit beaucoup embêter les chefs parce que ça fait remarquer qu'eux, ils arrivent en retard. Ah, t'as peut-être raison. Tu n'avanceras jamais. T'es pourquoi? Parce que quand on signe les avancements, le ministre, il se dit, Tu sais, celui-là, c'est pas la peine, il est content puisqu'il vient. Alors il te bombarde ceux qui ne viennent pas parce qu'il s'est dit, hey, ceux-là, si je fais rien pour eux, ils me lâcheront tout à fait. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Rien. Mais regarde mon système pour la peinture. Est-ce que je peins? Non, j'atteins. Et cependant, avec le talent que j'ai, je prendrai n'importe quel modèle. T'es ta tête, je suppose. Mmh. Hein? Et elle ne brille pas par l'expression. Bah, je vais faire un chef-d'œuvre, moi. Personne n'y prendrait garde. Mais laisse que je connaisse le roi des Belges ou même seulement le prince de Monaco. T'es, je prends ma palette et 3 mois plus tard, je suis illustre. Ah, comme je serai heureuse quand ça viendra. Et moi donc? Vous êtes gentil. Vous n'avez pas d'ampleur, ni l'un ni l'autre. Et vous êtes gentil. Voilà la bière. Et elle est fraîche? J'ai mis les bouteilles dans le seau du puits avant dîner. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Je vous sers? Volontiers, merci, oui. Et toi? Donne, petite, donne. À vos amours, Rosette. Au vôtre, monsieur Paul. C'est drôle, la vie, eh? Qu'est-ce qui te fait sourire, toi? Je pense que nous sommes là tous les quatre, des gens sans aucune importance, là. À votre santé, Julie. Je suis pas fier, trinquons, ma belle, là. Et puis? Et puis, dans 20 ans, peut-être vous reviendrez ici tous les trois et vous direz, ah, tout de même, ce sacré Félicien, il y est arrivé à son institut. Ah, c'est ça qui sera chic. Eh oui. La bivère et l'épée, ça tira bien. Hein? Pas mal. Dans le midi, nous portons très bien le costume. Mais qu'est-ce que vous avez, Rosette? Oh, dis, tu pleures? Dans 20 ans, il y aura longtemps qu'il aura oublié sa petite Rosette. Oh là là là, t'émotionne pas, voyons. Et qu'est-ce que je deviendrai, moi, alors? Maman, calme-toi, Rosette, j'ai dit ça, mais c'est pas sûr. Dites-moi, monsieur Félicien, en attendant que vous soyez de l'institut, est-ce qu'on fait un second tour de bridge? Ah non, non, dis, il est près de 11 h, ça suffit comme ça. Mais c'est ça, on va se coucher. Hein. Du reste, c'est pour ça que j'aime la campagne. C'est parce qu'on peut s'y coucher de bonne heure sans être obligé de se lever le matin. Voilà votre bougie, mademoiselle. Merci, Julie. Et voici la vôtre, monsieur. Merci, Julie. Dis bonsoir, mon vieux Paul. Hein? Oh, oh, non, c'est ridicule, cette manie que tu as de m'embrasser sur le front tous les soirs. Dis, c'est une coutume du midi, naïve et cordiale. Moi, j'y tiens beaucoup. Alors. Ah, dis, hey. Oui. J'y pense. Voilà ton courrier. Mon courrier? Oui, une lettre pour toi qui est arrivée ce matin. Je l'ai mise dans ma poche, la voilà. Oh, bah c'est charmant, pourvu qu'il n'y ait rien d'urgent. Ça m'étonnerait, dit. Avoir l'enveloppe, ça n'a pas l'air pressé. L'écriture de M. Mingassol, de mon sous-directeur. Demain, il vient déjeuner demain avec sa fille. Oh, il fallait que ça arrive, ça. Julie! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Julie, les Mingassol viennent déjeuner demain. Les Mingassol? Oui, Mingassol, un personnage considérable, enfin considérable pour moi. Mais bon, tu auras la peine. Bon, c'est ça. Combien sont-ils, les Mingassol? Deux, ils sont deux. Avec Rosette et monsieur Félicien, ça fait 5 personnes à table. Ah non, fiche-toi pas Rosette. Rosette est impossible. Félicien! On se mettra à table à midi, hein. Monsieur Mingassol, il m'affleurise, mon Dieu. Monsieur a l'air bien agité. Moi, mais pas du tout. Je suis calme, je suis même très calme. Bon, laissez-moi un instant, voulez-vous? Mais monsieur, je n'ai pas fermé. Vous fermerez tout à l'heure. Ah bien, monsieur. Monsieur m'appelle. Mais oui, allez. Bon, j'y vais, monsieur. Félicien! Oh, tu m'appelles? Oui, veux-tu venir une minute? Tu me déranges, je suis déjà à moitié couché. Il faut que je te parle. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de cette lettre. Tu ne pouvais pas la lire, plus tôt ta lettre. Tu viens de me la donner. Enfin, je t'écoute. Non, descends. C'est pas une vie que tu me fais mener. On n'invite pas les gens à la campagne pour les obliger à veiller. Oh, mon vieux, avec toi, je ne fais pas de façon. Je suis très embêté. Et là, ta tante te déshérite. Non. J'ai du monde à déjeuner demain. Du monde officiel. Ah, oh, je comprends. Nous sommes des irréguliers, nous n'avons pas les droits de nous asseoir à table avec du monde officiel. C'est bien, nous partirons, hé. Rosette! Mon chéri! Viens! Viens, mon chéri! Mais tu es fou, mais je ne veux pas que vous partiez. Je ne veux surtout pas causer à Rosette le moindre chagrin, non. Arrangeons-nous, cherchons. Soit. Rosette! Mon chéri! Ne viens pas! Et qui est ce monde officiel avec qui tu déjeunes? Mon sous-directeur au ministère et sa fille. Ton sous-directeur vient de déjeuner ici avec sa fille? Oui. Paul. Quoi? Tu te maries? Je crois que oui. Ah ça alors, c'est le comble alors! Rien encore n'est définitif. Tu te maries? Voilà donc comment on devait finir 15 ans de confiance et d'intimité. On était là, tranquille, paisible, on avait tout mis en commun, tout. L'un portant la pipe, l'autre la palmonnaie. C'était joli, c'était rare. Un beau jour passe sur ton chemin une petite bécasse. Non mais pardon, tu ne la connais pas, elle est exquise. Oui, elle a une dot. Évidemment. Évidemment. Alors adieu Félicien, adieu tout. On tourne le dos à l'idéal et on se marie. Mais tu déraisonnes ma parole, est-ce que ça nous empêchera de nous voir? Ah pardon. Je ne suis pas de ceux qui jettent par-dessus bord leurs compagnons d'existence, non. Où Rosette ne va pas, Félicien s'abstient. Mais j'irai chez vous. Oui, chez nous, où ça, chez nous maintenant? Bon, écoute, j'ai eu un tort, c'est de ne pas me confier tout de suite à toi. Évidemment, il y a longtemps que je je voulais te parler de mes projets. Oui, enfin, ça, c'est la vie. Elle vous inflige parfois de rudes leçons. Et c'est pas inutile, ça vous cuirasse. Si je m'attendais à ce que tu me fisses une scène le jour où je t'annoncerai que je me marie... Oh, mais je ne vous fais pas des scènes, monsieur Paul Normand. Vous obéissez obscurément aux vœux de votre nature bourgeoise. Vous avez la nostalgie atavique du pot-au-feu. Il y a dans votre cas une part de fatalité indéniable et je m'incline. Rosette! Non, tu ne vas pas mettre Rosette au courant. Rosette! Mon chéri? Viens! Mais je suis couché! Lève-toi, passe un jupon et viens! Viens, mon chéri. Félicia, tu me fais beaucoup de peine. Vraiment? Mais comment peux-tu supposer que j'accepterai jamais l'idée de ne plus vous voir, Rosette et toi? En cachette, une fois par mois, non, monsieur. Mais non, pas non. Du tout, au grand jour et tout le temps, comme hier, comme aujourd'hui. Je ne comprends pas. Et parce qu'encore une fois, tu ne connais pas Fleurie, c'est pas une bécasse du tout. Une petite âme très délicate et toute prête à accueillir affectueusement ceux que j'aime. Mais est-ce que Rosette n'est pas comme ta femme, après tout? Eh bien, le lendemain de mon mariage, vous viendrez, je dirai à Florise, voilà mes amis, et la vie reprendra comme avant, seulement bien plus agréable, parce que moi, j'aurai une femme. Tu feras ça? Eh oui, je fais ça. Tu le jures? Eh ben, parbleu. C'est bien. Rosette! Mon chéri! Ne viens pas! Tu n'as plus besoin de moi? Enlève ton jupon et recouche-toi! Bien, mon chéri. Il me vient une idée qui rendrait tout ça bien plus facile encore. Laquelle? Pourquoi n'épouserais-tu pas Rosette? Pourquoi? Oui. Dis, parce que je suis un homme délicat. Moi. Bah, précisément. Bah, tu vas me comprendre. Elle est délicieuse, Rosette. Jolie, pas bête, très bien élevée. Je ne lui connais pas des défauts, mais elle est digne d'un prince, entends-tu? Eh bien, qu'est-ce que je suis, moi, pour l'instant? Rien. Quelle situation ai-je? Néant. Quelle garantie est-ce que je présente comme mari? Aucune. Ah. Cette femme qui aurait le droit d'avoir toutes les exigences, que je laisserais se marier avec n'importe qui? Ah non, non, mon ami, non, je l'aime trop, je ne l'épouserai pas. Non, mais c'est vrai, je ne réfléchissais pas. Bon, dis, maintenant, pour demain, il faut prendre nos dispositions. Mm-hmm. Dis, cette chère petite Rosette ne peut pas rester ici, c'est évident. Eh bien, vous pourriez aller déjeuner aux Andelys, on se retrouverait le soir. Non, non, non, tu as besoin de moi. Je resterai, je ne cherche pas à me dérober au devoir de l'amitié, jamais, tu le sais bien. Mais alors? Non, laisse-moi faire. Mm. Rosette! Mon chéri! Avec 10 francs, tu peux bien passer ton dimanche dehors demain? Mais oui, mon chéri. Eh bien, Paul te les donnera demain matin et tu reviendras le soir. Dis, à quelle heure? Ah ben, je ne sais pas, moi, vers les 5 heures. Bon. À 5 heures. Bien, mon chéri. Maintenant, dors. Oui, mon chéri. Ah, mon bon Félicien, maintenant que je suis sûr de garder ton amitié, je peux me laisser aller à ma joie. Floris déjeune ici avec son père, ma chère Floris. Dis, est-elle brune ou blonde? Attends un peu, c'est difficile à dire. Dans ce cas-là, ça se dit châtain. Eh ben oui, c'est ça, elle est châtain. Elle est modeste, elle est timide, elle est châtain. Oh, quelle femme j'aurais là. Dis, si nous allions nous coucher. Eh bien, oh ben oui, c'est vrai, dans mon exaltation, moi j'oublie, je te demande pardon. Brave petit bourgeois, là. Il en faut comme ça pour perpétuer la race. Ah, ben tu peux être calme, je ne songe qu'à la perpétuer. Julie! Dis, 11h30, bah, c'est de la folie, ça. Monsieur? Ah, fermez et couchez-vous. Hein. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Non, sa mère avait, paraît-il, inventé une manière de ranger le linge dans les armoires. Non, non, non, calme-toi, voyant, tu t'excites, là. Oui, tu as raison, bonne nuit. Ah, mon Dieu, que je l'aime. Paul disparaît. Julie met les volets au vitrage de l'entrée et s'apprête à fermer la porte. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Nous avons sauté! Rien, monsieur. C'est une auto qui vient de crever à côté au tournant de la route. Oh, bon. Eh ben, ils ont quelque chose comme éclatement, ces gens-là, hein? Pardon, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, n'ayez pas peur. C'est moi, le chauffeur de l'auto qui vient de crever. J'ai vu de la lumière ici, alors je viens. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Oh, vous êtes rudement jolie, vous savez. Non, monsieur. Ah oui, pardon, je m'égare. J'ai une sacrée nature. Vous ne pourriez pas me dire où je trouverai un mécanicien dans le pays? Un mécanicien? Oh non, non, monsieur. Même pas serrurier. Oh zut, alors. Où est-ce que je suis au juste ici? Vous êtes à Suzy, à 10 km des Andelys. Il n'y a pas de gare près d'ici? T'y fais, à Gaillon. C'est loin? Oh non, 25 km. Oh zut, alors. Ah, si c'est pour aller à pied. Oh, crée bon Dieu de sort. C'est une des idées à mademoiselle de se mettre en route à des heures pareilles pour rentrer à Paris. Nous la propre. Vous n'avez pas de quoi réparer? Mais si, seulement tout seul, c'est pas commode. Il n'y a pas un garçon de ferme ici? Ah non, non. Ah, comme domestique, il n'y a que moi. Ah, je ne souffrirai pas que d'aussi belles mains que. Et d'aussi jolis bras se fatiguent et s'abîment. Oh, nom d'une brique, ce que vous êtes chouette tout de même. Monsieur! Pardon, je m'égare. Eh bien, vos patrons ne peuvent pas vous donner un coup de main? Ils sont donc bien fiers. Il n'y a que mademoiselle dans la voiture. Et je vous garantis qu'elle n'est pas commode, ni patiente. La petite biche, elle va en faire un foin pendant que je réparerai. Bien, Bagley, qu'est-ce que vous Mademoiselle. Oh, il vous faut tout ce temps-là pour demander un renseignement. Mais je l'ai, mademoiselle, je l'ai. Il n'y a aucune ressource dans le pays. Ah ben c'est gai. Enfin, mettez-vous à l'ouvrage et tâchez de vous dépêcher. Hein. Pour combien de temps en avez-vous? Seul, il faut compter une bonne demi-heure. Et si j'y arrive. Et il n'y a donc personne ici qui puisse vous aider? Non, madame. Qui est-ce qui habite cette maison? Monsieur Paul Normand. Quel âge a-t-il? 29 ans. Eh ben, à cet âge-là, on est vigoureux. Réveillez-le. Mais mademoiselle. Monsieur Paul Normand! Elle était patente. Monsieur Paul Normand! Elle l'aura, votre patron. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? C'est moi, monsieur. Oh, pardon, madame. Mademoiselle. Ah, parfaitement. Vous désirez? Vous avez 29 ans, monsieur. Ah oui, mademoiselle. Hein? Vous n'avez pas l'air bien solide pour votre âge. Je vous en pardon, mais je ne saisis pas du tout à quelles circonstances je dois l'honneur. Enfin, je n'ai que vous sous la main, n'est-ce pas? Vous seriez bien aimable de descendre. Et pourquoi faire? Pour aider mon chauffeur à réparer ma voiture dont un des pneus arrière vient d'éclater. Ah, c'est vous? Oui, je devais être rentrée à minuit, j'étais déjà en retard et mes parents vont s'inquiéter. Alors si vous vouliez bien descendre. Ah, ça dit, on ne dort pas cette nuit. Bonsoir, monsieur, à la bonne heure, voilà un gaillard. Vous êtes solide, vous, monsieur. Non, pardon, à qui ai-je le plaisir de. Mais descendre, je vous prie. Non, non, pas la mauviette, le méridional. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle vient de crever et son chauffeur a besoin qu'on l'aide pour réparer. Ah bah ça par exemple, comme ça gêne. Pardon monsieur, vous êtes la seule maison où il y a eu de la lumière dans le petit village ridicule où le hasard me fait stationner, je n'avais pas le choix. Je vous prie de descendre. Mais d'abord nous n'y entendons rien à votre mécanique. Ah yeah, pardon, pardon, moi je suis assez compétent. Et puis monsieur n'aura qu'à faire ce que je lui demanderai. Et elle est rigolote cette petite là. On ne trouve pas. Allez, je vais vous donner un coup de main. Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous seriez bien aimable de vous dépêcher, s'il vous plaît, le temps presse. Si la bonne pouvait m'accompagner, elle tiendrait la lanterne. Je peux, monsieur. Mais allez, Julie, allez. Je suis désolée de vous déranger, mais il faut bien que j'arrive à Paris, n'est-ce pas? Bah, certainement. Dis, elle a de l'audace, cet enfant-là. Si monsieur veut venir avec moi. Dis, qu'est-ce que c'est, votre voiture? C'est une 60 chevaux d'un modèle assez récent. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur? Mon Dieu, mademoiselle, j'attends qu'on ait réparé votre voiture. Non, je vous demande ce que vous faites dans la vie. Je suis employé au ministère de la Mutualité. J'aurais dû m'en douter. À votre air aimable, j'aurais dû reconnaître un employé d'administration. Me déplaît cette demoiselle. Votre ami est beaucoup mieux que vous. Je n'en disconviens pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un peintre. Un artiste, ah, à la bonne heure. Non, ça va être long d'arranger vos 60 chevaux. Une demi-heure, mais si vous vous ennuyez, vous pouvez très bien remonter vous coucher. Il ne faut pas vous croire obligé. Oh, je vous demande pardon, je me crois obligé. Vous êtes chez moi et je dois vous tenir compagnie. Eh, et alors, monsieur, causons. Causons, mademoiselle. De quoi? Bon, c'est ce que vous voudrez, histoire, géographie, moteur d'aéroplane, ce que vous voudrez. Voulez-vous que je vous dise comment je m'appelle? Non, mademoiselle. Ce que fait mon père? Non plus, mademoiselle. Oh, vous êtes certainement l'employé le plus désagréable que j'ai encore rencontré. Comme nous ne sommes pas destinés à nous revoir. J'espère bien. Moi de même. Vous êtes garçon? Oui, mademoiselle, mais je suis fiancé. Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, mais rien. Je dis ça parce que ça me fait plaisir d'y penser. Vous avez plu à une jeune fille? Oui, mademoiselle. Oh, c'était épatant. C'est comme ça. Après tout, vous avez peut-être des qualités qu'on découvre à la longue. Je suis timide, patient et doux. J'ai horreur des gens nouveaux au jeu qui ne savent pas de rien et se moquent de tout. Donc c'est pour moi que vous dites ça? Pas du tout, mademoiselle. Au contraire. Vous me trouvez mal élevée, n'est-ce pas? Je n'ai pas qualité pour apprécier. Allons, dites le fond de votre pensée. Je suis mal élevée. Je ne sais pas si vous êtes mal élevée, mais certainement, mademoiselle, vous avez un rude culot. Il y a du vrai. Vous entrez dans une maison où vous ne connaissez personne, vous menez tout le monde à la cravate. Oh, non, ça alors! C'est encore vous qui recrevez? Ça m'en a tout l'air. Oh, flûte, alors flûte. Non, mais il va pas durer toute la nuit, ce petit jeu-là, non? Oh. Mademoiselle, ça y est, l'autre pneu d'arrière a éclaté. Oh, c'est assommant. Oh, ça, mais qu'est-ce que c'est que ce clou dans lequel vous vous baladez la nuit? Oh, c'est un châssis de 25 000 francs, monsieur, ce clou. Seulement quand c'est tripoté par des maladroits. Eh ben, vous en avez une camelote sur vos roues. Oh. Si monsieur m'avait aidé au lieu de gonfler l'autre pneu qui n'en avait pas besoin. Vous n'allez pas dire que c'est ma faute? Eh, mais si, monsieur. Je prétends m'y connaître. Ah, je suis tombé sur une jolie collection de phénomènes, moi. Enfin. Alors encore une demi-heure à passer ici. Mademoiselle va bien haïr. Je ne peux plus réparer. Je n'avais qu'une enveloppe de rechange. Alors quoi? Nous ne pouvons plus repartir? C'est impossible, mademoiselle. Nous sommes bloqués ici. Oh, vous avez fait un joli coup, vous, monsieur. Je saurais comment féliciter, puisqu'il me procure l'avantage. Oh, non. Écoutez, mademoiselle, moi je suis désolé, mais il faut que nous nous levions demain matin. Oui, certainement. Bon, alors, j'ai donc le regret de vous présenter mes devoirs. Oh, ne craignez rien, monsieur. Je n'abuserai pas plus longtemps de votre hospitalité si courtoise. Nous allons, mon chauffeur et moi, coucher à l'hôtel. Oui, à l'hôtel? Quel hôtel? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Vous avez dit de drôle que vous vouliez coucher à l'hôtel, à Suzy. Il n'y a même pas une auberge ici. Oh, quel pays! Il est pittoresque, mais au point de vue tourisme... Eh bien, Pinglet va garder la voiture et vous allez m'accompagner jusqu'à la prochaine gare. Qu'est-ce que j'ai entendu de drôle? C'est Gaillon. Il y a 25 kilomètres, mademoiselle. Oh, écoutez, monsieur, il faut être idiot pour venir habiter un pays pareil. Je ne pouvais pas prévoir. Alors, je ne vois plus qu'un parti à prendre. Lequel, mademoiselle? Je vais coucher ici. Ah non, Ah non, ça non. Pourquoi, monsieur? Mais parce que je n'ai pas de place, d'abord. Et puis ensuite, parce que ce n'est pas convenable qu'un jeune homme héberge une jeune fille qu'il ne connaît pas. Et il a raison. Je vais vous présenter. Mademoiselle Benjamine Lapistole, la fille unique du chocolat Lapistole, 121 avenue des Champs-Élysées. Mademoiselle? Vous me connaissiez? Très bien. Nous avons causé avec Pinglet, même qui m'a dit qu'on vous appelait familièrement la petite chocolatière. Oui, c'est vrai. Oui, bah enfin, marchande de chocolat ou marchande de café au lait, je ne veux pas. Puis d'ailleurs, le chocolat, je le prends au matin, je ne le reçois pas la nuit. Oh, quel muf! Non, mais permettez, mademoiselle! Mais je ne perds rien du tout, monsieur. Alors, voyons, mes enfants, ne perdons pas nos paroles. Il est bien évident qu'on ne peut pas jeter cette petite dans la rue. Bien sûr. Non, mais qu'est-ce qui vous parle à vous deux, hein? Non, tu dis que tu n'as pas de place, c'est des histoires. Tu peux très bien donner ta chambre. Oh, justement, j'ai mis des draps ce matin. Eh bien, allez voir si rien ne manque. J'y vais. Tenez, voilà mon sac. Ma chambre, t'aurais pu offrir la tienne. Oh, que c'est bête ce que tu dis là. Tu sais bien que je peux pas, moi. Pourquoi, il y a du monde? Oh, pas foule, mais enfin, il y en a. Bon, alors je donne ma chambre. Bon, après. Et après, tu donnes ton tandem à Pinglet. Oh, j'aimerais mieux une bicyclette. Il y en a pas. Pinglet file à Gaillon, prend à 2h du matin le train qui le met à Paris à 4h. Il est à 4h20 chez Papa Lapistole. Il fait chauffer une des 12 autos. Dis, car il y a 12 autos dans cette maison-là. Eh? Mm. Il arrive à 6h05 pour reprendre et ramener à l'usine le petit paquet de chocolat égaré. C'est tout à fait bien. Non, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Ah, c'est pas vous qui auriez trouvé ça. Ça m'ennuie d'aller tout seul en tandem. Oh, écoutez, mes enfants, je vous demande pardon, mais je préfère me mêler à la conversation parce que pour dormir, il n'y a plus à y songer. Oh, mais c'est bien mieux habité que je ne croyais. Ah, vous êtes très gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'en sais rien. Paul, vous êtes un cachetier. Oh, non, ne croyez pas ça, je suis ici par hasard, par accident. Par fatalité. L'auto de mademoiselle est en panne, elle devra passer la nuit ici. Bah, c'est très amusant. Oh, c'est délicieux. Et vous, mademoiselle, vous êtes la foule, s'il vous plaît? Eh, c'est ma sœur. Vous couchez tous les deux dans la même chambre. Oh, c'est méridionaux, ça a vraiment l'instinct de la famille. Bon, alors c'est bien convenu, à 10h05 du matin... Ah oui, n'est-ce pas, Pinglet? J'en réponds. La chambre est prête. Je vais montrer à monsieur où il tendait. Ah, Julie, ne manquez pas de m'éveiller demain matin à 6h moins le quart. Eh bien, monsieur. Avez-vous peur que je ne m'en aille pas tout de même? Montrez-le-moi, votre tandem. Oh. Bon, alors, Rosette va vous conduire à votre chambre, enfin à la mienne. À la nôtre. Vous permettez, mademoiselle? Mais comment donc? Vous me plaisez beaucoup. Et votre frère aussi. Oh, vous verrez comme c'est gentil le matin ici. On voit pas la tour Eiffel. Oh, mon Dieu. Tu m'as fichu dans un joli pétrin, toi. Oh, nous sommes seuls? Tu sais le second pneu? Oui, bien. Dis, je l'ai fait exprès. Quoi? Chut! Dis, c'est 200 millions qui sont tombés chez toi cette nuit. Eh bien, pour tout au monde, j'aurais pas voulu qu'ils aillent coucher ailleurs. Mais pourquoi? Parce que cette petite chocolatière, c'est peut-être pour moi et même pour toi le marchepied de la fortune. Non, mais tu es fou! Et elle te plaît pas? Oh, du tout! Eh bien, tant pis. Je t'aurais peut-être conseillé quelque chose, enfin, n'y passons plus. Tiens, bonne nuit. Bonne nuit, tu es très aimable. Ah, tiens, c'est vrai, dis. Où diable vas-tu dormir? Moi? Dans l'auto. Eh ben, dis, tu t'embêtes pas, un lit de 25 000 francs. Bonsoir, mademoiselle. Elle est installée? Oui, et tu sais, elle est mignonne, hein, oh, pas fière, charmante. Non, monsieur Pinglet, je ne veux pas. Mais l'occasion est unique, un tandem. Je conduis admirablement. Nous faisons une délicieuse balade au clair de lune jusqu'à la gare. Oui, ce serait poétique, mais... Mais quoi? Vous ne risquez rien. Nous sommes à Gaillon à 2h, nous prenons le train et je vous paye des premières, tonnerre de chien. Oh, des premières! Et on est à Paris à 4h, on chauffe la 564-48, je vous fais faire en auto une balade du 120 à l'heure, tonnerre de chien. Oh, du 120 à l'heure! Et de deux choses l'une, où on se casse la figure ou on arrive ici avant que personne ait pu soupçonner votre absence. Oh, monsieur Pinglet, en tout cas, ce sera tout bien, tout honneur. Voyons, réfléchissez, est-ce que nous aurons le temps, tonnerre de chien? Ça, c'est vrai, nous n'aurons pas le temps. J'accepte. Venez! Oh, non, je vais dormir ici, moi, voilà tout. Hein. Dans ce fauteuil. Oh, non, dis, c'est toi qui fais ce potet. Ah, ben, j'ai éternué, j'ai pris froid sur le taux. Il t'y avait qu'à te couvrir. Oh, non, je vous en prie, moi, j'ai l'habitude qu'on me laisse tranquille. Mais je vous demande pardon à tous. On souffle sa lampe. Ah, ben oui, le Marseillais a raison, c'est très gênant, votre petite lumière. Non, c'est bien, je souffle. Oh, ce n'est pas les cheminots qui sont le plus à craindre à la campagne, c'est les millionnaires. Au deuxième acte, rien n'est changé, si ce n'est que le jour est venu et que la sagesse et la vertu vont faire leur compte du matin. Les 9 coups sonnent. À la balustrade du premier étage, Félicien contemple Paul, le malheureux Paul qui s'est endormi dans un fauteuil. Il dort. Oh, c'est incroyable, ça, dit. Paul. Oh, Paul. Il dort bien. Petite nature, va. Eh bien, mon vieux. Quoi? Eh, dis, il est 9h du matin. 9h. Il doit aller partir. Qui ça? Ben, la chocolatière. Je ne sais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous n'avons pas encore eu notre petit déjeuner. Oh, ben, je vais donner l'ordre à Julie de me réveiller, moi. Julie! Oh, quelle nuit, mon pauvre Félicien. Oh, Paul, ne pense pas tout le temps à toi. Occupe-toi un peu de nous, dis, j'ai faim. Oh, ben, mon bon Félicien, c'est pas grave. Julie va vous servir, Rosette et toi. Mais l'essentiel, mon vieux, c'est que le cauchemar de cette nuit soit terminé. Elle est partie. Et sans te réveiller, ce qui est une preuve de tact. Ah. Du reste, elle est adorable. Oui, maintenant qu'elle est loin, je t'accorde qu'elle est délicieuse. Eh, il est bien temps. Bon, ben, je vais faire un point de toilette. Hein. Va chercher Julie, je vous rejoins. Oh. Rosette et toi. Dis, fais vite. Oui, on va 3 minutes, quoi. Je reviens. Oh, pardon! Dis donc, elle est là. Oui, j'ai entendu. Oh, c'était seulement, ça vient d'être très indiscret. Tant que ça? Plus que ça. Ah? On dit mince. Dites donc, mademoiselle! Monsieur! Je croyais qu'on devait venir vous prendre ici à 6h ce matin. Vous croyez aussi? Eh ben alors? Alors, on n'est pas venu? Non, mais est-ce que vous n'avez pas l'intention de regagner Paris aujourd'hui? C'est fait, cher monsieur, je m'habille et je pars. Ah, oh, bon. Toujours aimable, même au réveil. Oh, mademoiselle! Bonjour, mademoiselle. Dis, qu'est-ce que vous prenez le matin? Du chocolat. Bah, on va vous en faire. Merci. De rien. Tu aurais même pas pensé, toi, égoïste. Oh, c'est fou ce qui m'arrive. Les magasins vont être là à 10h. Si mon beau-père apprenait cette stupide histoire, il serait capable... Et de quoi? Et de rompre mon mariage, tout simplement. Et après? Comment et après? Oh, voyons, Paul. Aimes-tu ta fiancée d'amour? Mais certainement. Aurais-tu seulement pensé à elle si son père eût été un serrurier de la rue Quincampoix? Non, mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Mais que tu fais un mariage de convenance, mon cher, voire un mariage d'intérêt. J'aime ma fiancée. Mais non. Si, je l'aime avec clairvoyance et suis heureux, en effet, qu'elle m'apporte en même temps que de la joie et de l'amour quelques garanties d'avenir, mais je l'aime. Ah, oui, nous sommes d'accord. Tu es le tout petit bourgeois sentimental et avisé. Tu m'as fait beaucoup de peine. Monsieur Félicien! Oh non, j'aurais excusé un mariage qui bouleverse notre intérieur s'il eût été ou d'amour ou d'argent. Il y a de la grandeur à s'abaisser vers la fillette pauvre, comme à s'élever vers la jeune fille très riche. Bah, toi, tu rampes. Et donc, quelle heure est-il? 9h20. Oh, il faut absolument qu'elle s'en aille, cette petite. Et moi aussi, il faut que je m'en aille. Bonjour, Paul. Bonjour, Rosette. Et oui, petite, il faut t'en aller. T'es encore une décision mesquine de Monsieur Paul. Vous devez comprendre. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, bah, qu'est-ce que tu attends? Donne-lui les 10 francs. Ah oui, c'est vrai, les voilà. Et puis je t'en prie, va voir où est Julie et fais préparer le chocolat. Oui, bon, bon, j'y vais. Où diable est-elle passée, celle-là? Julie! Oh, Rosette, j'ai fait un rêve. Oh, mon chéri, c'est parce que tu t'es endormie sur le dos? Hein? Non, non, j'ai fait un rêve. Un beau rêve. T'es, viens que je te le narre. Mais j'écoute. Tu sais, la petite millionnaire qui s'habille là-haut. Ah, elle est toujours ici? Oui, oui. Eh bien, dans mon rêve, elle se promenait dans l'allée principale d'un parc immense, langoureusement penchée sur le bras de son époux. T'es, cet époux, c'était Paul. Non. Oui. Des jeunes enfants s'ébattaient sur une verte pelouse et sur le seuil du château, souriant à ce spectacle délicieux, j'étais là, dans un complet de flanelle bleu marine, avec une petite tache rouge ici. Oh, mon chéri, mon chéri. Et moi, où étais-je? Toi, tu n'étais pas là. Oh. Ah, oh, dis, oh, pleure ça... pas. Non, nous pouvons supposer que tu te lavais les mains. Tu n'étais pas sur le perron, voilà tout. T'as ce château, dis, quelle merveille. Je ne sais pas où il est situé. Il est en Espagne, mon chéri. Eh, peut-être. C'est-à-dire rien comprendre, Julie n'est toujours pas là. Je suis entrée dans sa chambre, son lit n'est pas défait. Oh, par exemple? Dis, elle a découché. Eh, la dame. Oh, c'est énorme. Bonjour. Oh, je suis désolée, vous savez, je ne comprends rien à ce retard. Papa devrait être là depuis longtemps. Non, je vous en prie, mademoiselle, c'est la moindre des choses. Non, non, enfin, je sens bien que je finirai par vous gêner. Je ne vois qu'une explication, l'auto qui amène papa aura eu une panne. Oh, dis, c'est la série, alors? Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas où monsieur votre père achète ses autos, mais vraiment, il devrait essayer une autre marque. Avez-vous bien dormi, au moins? Oh, très, très mal. Vraiment? Ah oui. Mais pourtant, mon lit est... Ah, le lit est excellent. Seulement, il y a dans votre basse-cour un canard qui n'a pas cessé de se plaindre toute la nuit. Ah, oui, c'est Frédéric. Nous y sommes habitués, nous. Pas moi, mais enfin, qu'est-ce qu'il a, ce canard? Il a du chagrin. Vraiment? Eh oui, nous avons mangé sa femme il y a 8 jours. Écoutez, il faut absolument l'envoyer rejoindre son épouse. Ce sera charitable, et puis de la sorte, on pourra dormir chez vous. Enfin, jusqu'à l'heure où l'âne se réveille. Je dois dire que cette nuit, il n'a pas dormi. C'est une ânesse, elle vous a gêné aussi? Mon Dieu, quand on n'y est pas fait, ce braiement ininterrompu. Est-ce qu'elle a aussi du chagrin, votre ânesse? Eh oui. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Son état d'âme a des causes qui m'est impossible de préciser. Ah. Mais ça passera. Veux-tu te taire? Et j'ai rien dit de trop. Adresse ce chocolat. Bah, pas de bonne. Non, le plus simple est d'aller le faire soi-même. Ah, mais oui, Rosette et moi. Et nous vous aiderons. Mais comment vous savez? Je suis de première force. Oh, vous êtes gentille. Non, j'aurais préféré faire votre connaissance autrement, mais enfin, vous êtes très gentille. Ah, prenez garde, monsieur Paul, ne devenez pas trop aimable. Et pourquoi donc? Parce que je serais capable de rester. Oh, zut alors. Je m'ai fait peur. Et par ici, la cuisine. Moi, une petite comme ça me tomberait du ciel dans ma ville. Oui, alors, tu m'embêtes, toi. À l'instant où Paul et Félicien disparaissent, Julie entre, poussant le tandem. Vu qu'on ne se soit pas aperçu de mon absence, il doit être très tard. Le sucre, parfaitement, j'ai la porte. Oh, monsieur Julie. Oui, monsieur. Avec le tandem? Ah bah ça, par exemple. Quelle heure est-il, monsieur? 9h30, malheureuse, on vous cherche partout. Je suis perdue. Mais bon Dieu, quel est ce mystère? Oh, ne me parlez pas durement, monsieur. J'ai le cœur bien gros, allez. Eh ben mon vieux, ce sucre. Eh, la voilà. Vous... Non mais d'où sortez-vous? Où étiez-vous? Elle rapporte le tandem. Et le chauffeur, qu'est-ce qu'il est devenu le chauffeur? Il est à Paris, monsieur. Et comment cet instrument est-il en votre possession? Je vous avais bien dit que ça finirait mal. Ah Julie, vous allez m'expliquer tout de suite. Oui monsieur, oui je vais vous expliquer. Oh, mais parlez-moi doucement monsieur. Si vous me brusquez, je vais me mettre à pleurer. Et je ne pourrai plus vous dire... Ah ben remettez-vous Julie. Et parlez, hein. Oh, moi j'ai eu tort monsieur. Je suis très coupable. Mais il m'a influencée avec ses yeux. Dis, vous emmenez avec lui? Il m'avait promis qu'on serait de retour assez tôt pour que monsieur s'aperçoive de rien. Il devait me payer des premières et me ramener en auto. J'ai jamais été en auto. Et alors? Ben, parlez donc! Alors, on est parti pour la gare. Et vous avez crevé en route? Ah non, monsieur, non. On est très bien arrivés, on avance d'au moins une heure. Alors, on savait pas quoi faire. Il m'a emmené voir un petit étang qui est à droite de la route. Ah, oh, c'était joli, monsieur. Il y avait la lune qui se réfléchissait dedans. Oui, et puis? Et puis, il m'a influencé, monsieur, avec des mots de Paris. En passant, hein. Ah non, monsieur, ah non, je ne veux rien passer, je veux tout vous dire. D'abord, il m'a demandé si j'avais plus de 15 ans. Après? Après, je lui ai dit que j'en avais 18. Il m'a dit que c'était l'âge de l'amour. J'ai dit que c'était bien possible, il m'a dit que c'était certain. Alors j'ai dit, mais finissez, voyons, on pourrait nous voir. Alors il m'a dit, oh, cette heure-ci, ce serait rare. Alors je lui ai dit, oh, vous êtes polisson, vous... Alors il m'a dit, c'est plus fort que moi. Eh, malheureuse, je sais la suite. Tout d'un coup, on entend le sifflet de la locomotive. Ah oui, monsieur. C'est le train qui entre dans la gare. Oui, monsieur. Vous courez. Oui, monsieur. Et vous le ratez. Qui ça, monsieur? Le train. Ah, oui, monsieur. Bon, alors, à quelle heure est-il parti, ce misérable? Le train prochain était à 6h. Il m'a dit, je vais l'attendre. Moi, j'ai ramené le tandem à pied et me voilà. 6h, il est arrivé à Paris à 8, il en est bientôt 10. Il ne va pas tarder. Ah, il m'a bien promis de venir. Il m'a dit qu'il réparerait. Encore? Ah, pas l'auto, monsieur, pas l'auto. Oh, c'est du propre. Ah, bien entendu, monsieur me met à la porte. Hein. Monsieur a raison, je n'ai rien à dire. Mais non, Julie, je ne vous chasse pas. Je vous considère comme une victime de l'automobilisme. Je vous plains de tout mon cœur et je vous garde, là. Comme monsieur voudra, mais c'est pas l'habitude du pays. Comment? Ah, d'ordinaire, quand une fille a mal tourné, on la chasse. Et elle va à Paris ou elle rentre au concert. Laisse-la partir, t'as pas le droit de briser sa carrière. Oh, bah alors après tout, si vous préférez. Hein. Oh non, monsieur, je veux bien rester encore quelques temps à la campagne, je suis si jeune. Bon, eh bien alors, vous allez vous rendre à la cuisine où vous trouverez ces demoiselles en train de faire le chocolat. Hein? Eh bien, monsieur, c'est mal, hein, monsieur, ce que j'ai fait. Ah oui, mon enfant, j'espère que si c'était à refaire... Oh, monsieur, c'est terrible à dire, mais je crois que je recommencerai. Non, ça moi j'en ai assez, hein. On envahit mon domicile, on prend ma chambre, on abîme ma bonne. Non, j'en ai jusque-là, moi, de la famille La Pistole. C'est du grand monde, ce n'est pas pareil à nous. Mais avec un chauffeur de cette espèce-là, nous n'avons aucune sécurité. Mademoiselle La Pistole s'en aille jamais d'ici. Non, tu exagères. En tout cas, comme deux sûretés valent mieux qu'une, nous allons nous rendre au télégraphe et câbler à tout hasard à Monsieur La Pistole que son héritière est ici. Soit. Veux-tu que je te dise? Jamais on ne devrait ouvrir la nuit aux gens qui sonnent à votre porte. Vous voyez que je m'en suis très bien tirée. Oh, le fait est qu'il a l'air délicieux. Monsieur Paul, Monsieur Félicia. Oh ben ça, où sont-ils donc? Ils sont peut-être sur la route pour guetter l'arrivée de M. La Pistole. Bah, tant pis pour eux, j'ai faim. Et vous? Oh, moi aussi. Vous l'aimez, hein, votre Félicien? Ah, oui, mademoiselle. Il a du talent? Beaucoup. Ah, oui, je suis bête de vous demander ça, puisque vous l'aimez, vous lui trouvez du talent. Eh, bien sûr. Et M. Paul Normand? Parlons un peu de M. Paul Normand. Expliquez-moi, puisque vous le connaissez bien, pourquoi je m'étendais plus dès mon arrivée. Mais comment supposez-vous? Ça, je ne suppose pas, je suis certaine. Allons, parlez franchement. Qu'est-ce que j'ai en moi qui le dégoûte, ce garçon-là? Oh, mademoiselle, vous plaisantez. Est-ce qu'on pourrait ne pas vous trouver charmant? Oh, mais oui, on peut, la preuve. Écoutez, d'abord, Paul est un garçon timide, un peu maniaque. Et vous êtes connu assez brusquement. Et puis, il est fiancé. Alors forcément, les autres jeunes filles... Je comprends pas, moi aussi je suis fiancée. Ça ne m'empêche pas d'être aimable avec les jeunes gens que je rencontre. Je dirais même que s'il y en a un avec lequel je le sois sensiblement moins, c'est celui que je dois épouser. Peut-être que vous l'aimez trop. Hein, ça rend méchant. Quelquefois. Alors je dois l'adorer car je le taquine du matin au soir. Ça le ravit ? Oui, je crois. Enfin, moi qui ne fasse semblant, vous savez. Je suis tellement riche, moi, que je ne serai jamais tout à fait sûre d'être aimée pour moi-même. C'est embêtant, n'est-ce pas ? Pourquoi pensez-vous à ça ? C'est malgré moi. Oh, mais rassurez-vous, je ne me frappe pas. Depuis un instant, Magasol apparut au fond avec Fleurise et apercevant Benjamin et Rosette, s'est arrêté sur le seuil, indécis. Je vous demande pardon, mesdames. Vous désirez, monsieur ? Je désire d'abord m'excuser de pénétrer chez vous avec ce sans-gêne. La faute en est à un habitant du pays qui nous a certainement donné, à ma fille et à moi, une fausse indication. Nous cherchons la maison de monsieur Paul Normand. Mais c'est ici, monsieur. Ah ? Mais je croyais qu'il demeurait seul. En principe, oui, mais... Je vous demande pardon, mademoiselle. Floris, mon enfant, est l'obligeance d'aller dehors, contempler le paysage, jusqu'à ce que je t'appelle. Bien, papa. Il ne devait venir qu'à 10 heures. Ils sont en avance, ça fait compensation avec papa qui est en retard. Je suis à vous. Ah, vous êtes monsieur Magasol. Précisément. Monsieur, on ne vous attendait qu'à 10 heures. En effet, ma belle enfant. Mais je ne suis pas fâché d'avoir légèrement modifié mes projets. Cela m'a permis de constater... Ouais, écoutez, monsieur, vous allez vous embarquer dans une série d'erreurs tout à fait regrettables. Et mademoiselle... Non, je vous assure, si la maison de monsieur Paul Normand est légèrement bouleversée ce matin, c'est moi qui en suis la cause. C'est donc à moi de vous donner les explications auxquelles vous avez le droit. Je vous écoute, mademoiselle. Vous connaissez monsieur Félicien Bédaride ? Je le connais. Et mademoiselle est son modèle. Bien. Lorsque monsieur Paul a été avisé de votre visite, il a été convenu que Rosette vous céderait la place, ce à quoi elle a très gentiment consenti afin que monsieur Paul pût recevoir ici sa fiancée. C'eût été préférable, en effet. Et mon arrivée imprévue a mis tout le monde sans dessus dessous. Vraiment ? Oui. Je suis mademoiselle Benjamine Lapistole, la fille du chocolat Lapistole. Connais pas. Vous êtes le seul. Je traversais ce village en auto la nuit dernière quand j'ai été arrêtée par la fâcheuse panne. Impossible de réparer, impossible de partir. Monsieur Paul Normand a donc été forcé de m'hospitaliser chez lui. Quelle heure était-il quand vous êtes arrivée ici, mademoiselle ? Environ 10 heures du soir. Mm-hmm. Oh, 12 heures de temps, vous n'avez pas trouvé de moyen de réparer ? Non, monsieur, non. Il me semblait cependant avoir entendu dire que les progrès de l'automobilisme... C'est pourtant comme ça. De sorte que monsieur Paul Normand vous a offert l'une de ses chambres. La sienne. Non, mais il commence à m'agacer. Et lui-même a reposé... Oui, il a voulu, monsieur. J'ai eu le tact de ne pas m'en informer. Veuillez convenir avec moi que cette aventure est des plus piquantes. Je ne conviens de rien du tout. J'ai eu le plus grand tort de me mêler d'une affaire qui, au demeurant, ne me concerne en aucune façon. Si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, je vous trouve prudomesque et balourd. Voilà. Mademoiselle. Mais calmez-vous. Oh, mais c'est qui m'embête avec ces insinuations, ce monsieur qui ne connaît pas le chocolat à la pistole. J'ose prétendre qu'en la circonstance... Gardez-le, votre Paul Normand, qu'il épouse votre fille et grand bien lui fasse. Ah, si elle vous ressemble, ça doit être une jolie chipie. Oh. Et venez, Rosette. Oh, c'est inouï. Jamais dans ma carrière administrative... Floris. Papa. Mon enfant. Je sais combien tu es impressionnable et je tiens à te préparer adroitement au cas où quelque incident grave surviendrait. Un incident ? À propos de quoi ? À propos de ton mariage. Oh, mon Dieu ! Ah, je t'en supplie, ne t'évanouis pas ! Tu tiens de ta pauvre mère une facilité déplorable à t'évanouir. Rien n'est gênant comme ça, surtout quand on n'est pas chez soi. Je me retiendrai, papa. Mais qu'y a-t-il ? Eh bien... Oh, monsieur Magasol, mademoiselle Floryse. Oh, comment allez-vous ? En voilà une surprise. Je ne vous attendais pas aussitôt. Nous sommes pourtant là. Ah, et c'est tant mieux. Puis-je embrasser ma fiancée ? Oui, si vous avez la conscience pure. Oh, alors ! Mon Dieu, je suis content. Et vous ? Moi aussi. Vous avez trouvé facilement la maison ? Très facilement. Et qu'est-ce qui vous a reçu ? Personne. Oh, je respire. Qui donc aurait pu nous recevoir ? Vous absent ? Dans une maison où vous habitez seul. Évidemment. Car vous habitez seul, ici, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est-à-dire avec Félicien. Bien entendu. Vous n'auriez pas convié votre fiancé et son père sous votre toit s'il s'y fût passé quelque chose d'irrégulier. Certainement. Vous savez combien je suis sévère sur ce chapitre. Et vous avez raison. Floris, mon enfant, va contempler un instant le paysage. Je l'ai déjà vu. Ah ! Bien, papa. C'est de mensonges, monsieur. Je les connais, je les ai vus. Mais qui ça ? Rosette et Benjamin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je n'en sortirai jamais. Et que vous risquez se faire coudoyer ici, oh. Floris et la grisette de monsieur Bédaride, c'était déjà vif. Mais que vous m'exposiez, moi, votre directeur, votre futur beau-père, à recevoir les innommables injures dont m'a gratifié mademoiselle Lapistole, ça alors c'est le comble. Et vous injuriez ? Et comment ? Oh, ça m'étonne pas, c'est une petite fille impossible. Depuis hier soir où elle s'est implantée chez moi, je marche de catastrophe en catastrophe. Je ne saurais vous dire l'état dans lequel je suis. Mes mains tremblent, mon faux col me gêne, et j'ai une brûlure à l'estomac. Elle va partir, monsieur Magasson, elle va partir et nous ne la reverrons jamais. Non, monsieur, non, non, je lui cède la place. Je choisirai pour gendre un jeune homme possédant des relations moins inacceptables. Oh, mais c'est impossible, vous n'allez pas me punir des méfaits de cette petite. Un homme de ma situation ne peut pas rester sous le coup d'un pareil outrage. Vous voulez que je reste? Oui. J'exige des excuses. Eh bien, je vous les fais à genoux. Oh, mais ce n'est pas de vous que je dois les tenir. Vous voulez que ce soit elle? Oui, monsieur. Oh, alors, c'est comme si vous me disiez que vous êtes décidé à partir. Jamais je n'obtiendrai ça d'elle. J'ai dit. Mais comme je possède une nature faite à doses égales de fermeté et de mansuétude, je vais rejoindre ma fille dans le jardin. J'y attendrai 5 minutes. Si passé ce délai, Mademoiselle Benjamin Lapistole ne m'a point déclaré en bons termes qu'elle est désespérée de m'avoir appelé prud'homme et balourd, je pars. J'emporte dans mes bras mon enfant qui sera vraisemblablement évanoui et je vous règle de ma vie. Bien, monsieur Magasson. Oui, ben, il est tout à fait inutile que j'essaie. C'est extraordinaire, papa n'est toujours pas là. Oh, mademoiselle, je suis beaucoup moins pressée de le voir arriver. Ah, vous vous habituez à moi? Non, ça, oh non. Oh. Non, mais comme il vous est désormais impossible de faire fondre sur moi aucune calamité supplémentaire... Oh, qu'est-ce qui vous arrive donc? Oh. Presque rien, vous avez réussi à faire rompre mon mariage. Moi? Monsieur Magasson m'a fait part de votre entrevue si cordiale. Eh bien, je l'ai remis un peu vertement à sa place. C'est une affaire entre lui et moi, ça ne vous regarde pas. Mais ben, ce n'est pas son point de vue. Oh, il est encore plus bête que je ne croyais. Et alors? Ah, alors, mademoiselle, tout est fini. Attendu qu'il a mis à son séjour ici une condition tout à fait impossible. Et laquelle? Oh, à quoi bon vous le dire? Ah, si elle ne me concerne pas... Alors, c'est précisément parce qu'elle vous concerne qu'il est inutile de vous en parler. Dites toujours qu'est-ce que vous risquez. Oh, plus grand-chose maintenant, c'est vrai. Monsieur Magasson, qui ne vous connaît pas, le vénard, émet la prétention que vous lui fassiez des excuses. Ah, c'est bien drôle. J'en suis incapable. Oh, tout à fait. Eh bien, monsieur Paul, vous me jugez mal, et je vais vous en donner la preuve. Comment? Où est-il, votre Magasson? Dans le jardin. Allez le chercher. Comment, vous consentez? C'est la moindre des choses. Vous m'avez obligé cette nuit, avec beaucoup de mauvaise grâce, mais enfin, je vais vous rendre votre Floris adoré. Oh, mademoiselle, c'est très bien ce que vous faites là. Vous êtes une créature délicieuse, un grand cœur et une âme délice. Ah, faut-il que vous y teniez, à votre Floris? Assez, oui. Quand vous serez mariée, il faudra lui apprendre à s'habiller. Vous ne pourrez pas lui donner la poitrine qu'elle n'a pas, mais le chic, peut-être. Oh, ne gâtez pas votre joli mouvement, mademoiselle. Vous avez dompté votre nature un instant. Ne laissez pas reprendre le dessus. Allez, allez, allez chercher vos phénomènes, que je me jette à leurs pieds. Oh, tenez-le, voilà. Monsieur Magasson. Les 5 minutes sont écoulées. Ah, il y avait aussi une condition de... Monsieur Magasson, mademoiselle Lapistole désire vous parler. J'écoute. Monsieur, je serais désolée d'avoir séparé, même involontairement, des gens qui me semblent faits les uns pour les autres. Je vous exprime donc le regret d'avoir dit ce que je pensais au cours de notre entrevue de tout à l'heure. Comment est-ce que vous pensiez? Ah ça, je dis toujours ce que je pense, c'est une de mes qualités. Je crois que vous avez satisfaction. Bien juste. Ceci dit, je tiens à ajouter que si j'ai été un peu vive dans mes appréciations, ça n'a pas été sans provocation de votre part. Comment? Mademoiselle, l'incident est clos. Pardon. Je n'aurais pas de but en blanc manqué de déférence envers monsieur s'il n'avait laissé poindre dans son langage une supposition très injurieuse pour moi. Mais ceci est une leçon. Si vous voulez. Je ne l'accepte pas. Elle est donnée tout de même. Non, parlons d'autre chose. Vous avez, mademoiselle, une impertinence naturelle. Je préfère à la sottise à ta vie. C'est une façon détournée de me traiter d'idiot. J'en ai peur. Oh, c'est fichu. Oh, les excuses. Floris, les excuses sont encore plus grossières que la provocation. Mais Floris, mais... Papa. Prends sur toi, mon enfant. Il y a 1800 mètres d'ici le tortillard. Ne t'évanouis pas, tu feras ça chez nous. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ton père vient d'être encore gravement insulté. Ton mariage est rompu. Mon... Oh, c'est assommant. Oh, elle tient ça de sa mère. Je vais chercher des selles. Inutile. Je la porterai moi-même jusqu'à la station. Monsieur Magasson, j'en mourrai de chagrin. Je le souhaite de tout mon cœur. Adieu, monsieur. Oh, vous, mademoiselle. Oh, c'est la dernière fois que je fais des excuses. C'est trop pénible. Pour moi, surtout. Oh, mademoiselle, tout va très bien. L'auto de votre père, elle est signalée. Oui, oh, ben, il est bien temps. Oui, ah, oh, ben, dis, c'est mon chocolat, ça dit. Qu'est-ce que tu as? Monsieur Magasson, sors d'ici, mademoiselle l'a injurié, mon mariage est rompu. C'est inespéré, ça. Tout à fait. Voulez-vous que je vous dise, vous n'avez aucun ressort. C'est très possible, vous les avez brisés, hein, depuis hier soir. Oh, tout ça s'arrangera, je vais disparaître de votre vie. Je commence à en douter. Comptez sur moi, et vous retrouverez votre Floris. Mais certainement. C'est drôle, ça, de ne pas apprécier plus que ça le charme de l'imprévu. L'imprévu, mais c'est le seul attrait de l'existence. Et puis, il faut avoir de la philosophie. Assurément. J'aurais 1000 raisons d'être plus inquiète que vous, moi. Vous? Il paraît démontrer que notre aventure de cette nuit a un côté invraisemblable qui frappe tout le monde. C'est bien pourquoi je suis compromis. Et moi donc? Moi aussi, je suis fiancée. Qui sait ce que va penser monsieur de Pavzac? C'est vrai, ça. Eh bien, au lieu de m'affoler à cette idée, je cherche le bon côté qu'elle peut avoir. Ah ben, vous m'épaterez si vous le trouvez. C'est tout fait. Cet incident va m'apporter la preuve de l'amour d'Hector. Allons donc. Il va être furieux. Il va être jaloux de vous, il va dire sans bêtises, et plus il en dira, plus je l'aimerai. Oh, dis, elle est très forte, cette petite. Le père de la demoiselle. Ah, tout de même. Oh, bonjour, toi. Bonjour, ma petite fille. Je ne suis pas contente du tout, ma petite fille. Présente-moi ces messieurs. Monsieur Félicien Bédaride, un grand peintre, monsieur Paul Normand, rédacteur au ministère de la Mutualité. Monsieur. Papa, voilà. Je vous dois un grand remerciement, monsieur, pour avoir accueilli Benjamin avec tant de bonne grâce. Pinglet m'a raconté. Je vous en prie, monsieur, c'est la moindre des choses. Et nous avons été trop heureux de... Vous permettez, n'est-ce pas, monsieur? Il faut absolument que je gronde tout de suite ma fille. Tout à l'heure, je n'y penserai plus. Et vraiment... Elle le mérite. Benjamin, c'est très sérieux. Je t'assure que tu aurais tort de prendre l'habitude de ne pas rentrer le soir. Oh, tu deviens sévère avec moi. Non, non, il y a dans toute cette petite aventure une part indéniable de fatalité. Je sais bien, évidemment, c'est pas grave. Je dirais même que je suis enchanté, puisqu'enfin j'ai le plaisir de faire votre connaissance. Croyez bien, monsieur, que je ne suis pas moins ravi. Présente-nous, cher monsieur. Vous n'en avez pas l'air. Alors, monsieur Paul vient d'avoir une sérieuse contrariété. Oh, c'est désolant. Il était fiancé et son mariage est rompu. Diable, comment ça? À la suite d'une explication que j'ai eue avec son beau-père. Toi? Oui, et dans laquelle ce monsieur a eu tous les torts, bien entendu. Ah ça, tous les torts, et... Vous étiez là? Et non, non, monsieur. C'est égal. Je viens déjà de te gronder, je ne voudrais pas recommencer, mais je t'assure, ma petite fille, que tu aurais tort de prendre l'habitude de rompre comme ça les mariages des gens que tu ne connais pas. Quelle heure est-il? Vous m'êtes très sympathique, monsieur. Il est 11h. Il n'y a pas de train avant la nuit, je les trouverai à la station. Je vais me jeter aux pieds de Monsieur Magasol. Je vous le conseille. Et je suis certaine que tout va s'arranger. Dites-lui bien tout le mal que vous pensez de moi. Annoncez-lui que je suis partie, il vous ouvrira ses bras. Vous croyez? C'est certain. Oh, mademoiselle, si je retrouve ma Florise après l'avoir perdue... Vous devrez une des plus douces émotions de votre existence, tout simplement. Et je vous en aurai une éternelle gratitude. Alors adieu et bonne chance. Cher monsieur, encore merci. Oh, mais de rien, monsieur, toujours à votre service. Il a bon caractère. C'est un petit être insignifiant, mais il n'est pas mauvais. Ah ça, je crains que ça s'arrange pas. Comment? Que craignez-vous? Non, évidemment, c'est un mariage absurde que je désapprouve, mais enfin... À propos de mariage, tu sais qu'Hector de Pavzac est venu te voir ce matin? Et puis? Et puis, quand il a appris que tu n'étais pas rentré, il a été bouleversé, ce garçon. Bah, c'est la moindre des choses. J'aurais voulu voir qu'il ne le fut pas, par exemple. Il a sauté dans son auto et il est allé aux Nouvelles chez les Chaudrancy. Aux Andelys? Mais alors, il a dû passer par ici? Probable. Et il y a deux routes. Alors, il aura pris l'autre. Il est tellement maladroit. Ça va lui faire une journée bien agréable. Tant pis pour lui. Là, là, vous entendez? Ah, elle bouscule son fiancé comme si c'était son père, vous savez. C'est encore du bonheur. Évidemment. Dis-moi, mon enfant, nous pourrions peut-être songer à prendre congé de monsieur. Oh, mais oui, tu permets que je grimpe jusqu'à ma chambre? Ta chambre? Ben oui, la première, là-haut, c'est ma chambre. Je termine mes préparatifs et je reviens. À tout de suite. Elle est délicieuse. Oui, un peu spéciale, mais délicieuse. Dites donc, monsieur Félicien, franchement, qu'est-ce que vous pensez de papa? Chic, hein? Ah, très chic, mademoiselle. Quel âge lui donnez-vous? Voyons, ma fille. Bah, 40 ans, à peine. Il en a 54, mon vieux Bédarine. Croyez-vous qu'il se rebiffe, mon auteur? Et puis, vous savez, pour la grande vie, il est un peu là. Mademoiselle Benjamin! Il n'y a pas moyen de le faire rentrer avant 3h du matin. Et toi, tu ne rentres pas du tout, c'est encore mieux. Bien envoyé, j'en reviens. Elle est impayable. Oh, tout à fait, oui. Et encore, vous ne pouvez pas la juger, parce qu'ici, elle est gênée. Mais quand elle est à son aise, elle est épatante. Je m'en doute, oui. Patron. Ah, te voilà, toi. Eh bien, ça va, cette réparation? C'est presque fini, patron. Ah. Je voudrais de l'eau pour mettre dans mon moteur. Oh, ben rien de plus facile. Oh, Julie! Portez un peu d'eau pour le chauffeur. Bien, monsieur. Zut, alors. Qu'est-ce que c'est que ce chocolat? Je sais pas. Ça n'est pas du lapistole. Nous attendons que vous nous en envoyiez. Bon, pendant que Benjamin s'apprête, si nous faisions le tour du propriétaire? Vous voulez rire? Mais pas du tout. C'est très gentil, ici. J'ai aperçu un poulailler vers le fond du jardin. Oui, ben venez, alors je vais vous faire voir l'arbre. Ah, il y a un arbre. Oui, il est indivis entre les deux propriétés contiguës. Eh bien, je serais ravi de le contempler. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà le seau d'eau. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Lucien. Ça va toujours comme vous voulez? Vous ne m'aimez plus, Lucien. Moi? Je vous adore, tonnerre de chien. Vous ne m'embrassez pas? J'ai peur qu'on vienne. Ah, vous n'étiez pas si timide à Gaillon? À 2h du matin, en race campagne, il y avait du bon, mais ici... Ah, monsieur Pinglet, prenez votre seau d'eau et allez-vous-en. Ah, je vois bien que c'est fini, allez. Oh, non, je ne peux pas avoir pleuré une femme, tonnerre de chien. Moi, j'étais un caprice, mais vous en aimez une autre, ça c'est sûr. Voilà que je me remballe, sacré matin. Adieu. Non, Julie, je n'en aime pas une autre, c'est vous que je gobe. En vrai, ça? Vous êtes sérieux? Mais très sérieux. Ah non, tenez, non. Je n'ai pas confiance. Allez-vous-en. Voulez-vous que je vous dise quelque chose qui va vous donner confiance? Julie, je n'épouserai jamais une autre femme que vous. Vous le jurez? Je le jure. Oh, ce que je suis contente, ce que je suis contente. Oh, je vais vous porter votre seau d'eau. Ah non, je n'ouvrirai pas. Ah si, ça me fait plaisir. Ah, du moment que vous n'épouserez jamais une autre femme que moi. Ça, elle peut être tranquille, je suis déjà mariée, tonnerre de chien. Félicien m'a dit que je pouvais rester sans inconvénient, alors je... C'est ça, mon cher Félicien. Surveillez la réparation, je vous attends. Ah. Oh, Monsieur? Mademoiselle, voulez-vous me permettre de me présenter? Lapistole Père. Ah, parfaitement. Et vous? Rosette, le modèle de Félicien. Je vous en fais mes compliments. J'adore les modèles. Du reste, j'aime beaucoup la peinture. Oh, c'est très joli. Oui, et les modèles aussi. Vous surtout. Vous êtes trop aimable. Je suis décidé à m'intéresser beaucoup à M. Félicien. J'irai le voir dans son atelier et j'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. Monsieur... Je peins aussi à mes heures perdues et si vous vouliez... Si je voulais quoi, servir monsieur? De guide à mon inspiration. Ah, vous perdez votre temps, monsieur. Je ne pose que pour mon ami. Charmant. J'adore qu'on me remette à ma place. Oh, monsieur Lapistole, voici monsieur Hector de Pavezac. Ce cher Hector. Ah, la bonne surprise. Comment diable nous avez-vous dégoté ici? Je revenais des Antilles, dévoré d'angoisse. Quand j'ai aperçu votre auto, j'ai stoppé, me voilà. Tout va bien. Benjamin se prépare et je vais presser Pinglet. À tout à l'heure. Et si je pouvais, moi, essayons. Et, ah, asseyez-vous donc, monsieur. Merci, je suis un peu nerveux. Eh oui, l'inquiétude, sans doute. Effectivement, l'inquiétude. Rassurez-vous, mademoiselle de Lapistole est en excellente santé. Non, voici en deux mots ce qui s'est passé. Hier soir, au moment où son auto arrivait devant la porte de notre maison, les quatre pneus ont éclaté. Les quatre? Les quatre. En même temps? En même temps. Vous avouerez que c'est singulier. Et pourquoi donc? Dis, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils éclatent en général indépendamment les uns des autres. Sortis de chez le même fabricant, faisant la même route, subissant le même destin, les pneus, ils devraient toujours éclater ensemble. Et soit. Et dans ce village absurde, il n'existe même pas une auberge, un asile, enfin, si rustique fut-il, où une jeune fille puisse se reposer quelques heures après avoir éclaté. Oh, t'es... Pas la moindre auberge, pas le plus petit asile. Non mais, rassurez-vous, monsieur Paul fut des plus galants avec votre fiancée, et elle a couché dans sa chambre. Dans sa chambre? Ah oui. Ah oui, mais seule. Non, Paul, il a dormi dans le fauteuil. Ce matin, il est allé la réveiller. La réveiller? Oui, oui. Oui, elle a même poussé à son entrée un petit cri charmant, là. Ouh, et puis, on a fait le chocolat ensemble. Puis, on a cordialement tendu papa à Lapistole. Et puis, voilà. Et il n'y a rien de plus. Et rien, rien, rien. Et vous avez là le récit chaste, comme une idylle, de cet accident champêtre. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai pas besoin d'ajouter que mademoiselle Lapistole et que Paul Normand, ils se connaissaient pas, ils s'étaient jamais vus, et que le hasard seul, il les a réunis cette nuit. Je vous en donne ma parole d'honneur, hein. Oui, merci, monsieur, vous êtes un galant homme. Je n'oublierai jamais l'attitude sympathique que vous avez bien voulu observer à mon égard. Je vais faire à Benjamin une de ces scènes. Ah, mais non. Écoutez, monsieur, puisque je vous suis sympathique, voulez-vous me permettre de vous donner un petit conseil? De grand cœur. Eh ben voilà. Nous avons causé de vous avec Benjamin. Vraiment? Dis... Vous y tenez beaucoup à ce mariage? Mais certes. Ah oui, je le conçois. D'abord, mademoiselle de Lapistole, elle est exquise, et puis, il n'y a pas à dire, hein. C'est un beau parti. Tout y est, monsieur, tout concorde à me faire entrevoir l'avenir sous le jour le plus séduisant. Oui, alors si vous concevez de cette escapade une petite amertume... Je vous crois. Oui, alors, refoulez-la, hein. Ne faites aucun reproche, aucune observation. Souriez et soyez aimable. Cependant, le moins que je puisse faire... Alors, ça, elle a déclaré qu'à la moindre remarque, au moindre signe de mécontentement de votre part, elle vous rendrait la liberté. Ah, ça c'est qu'elle est terrible, hein. Ah oui, alors, je la connais. Alors, vous voilà prévenue, hein. C'est bien. Je me dompterai, mais ce sera dur. Là, nous voilà prêtes. Tiens, Hector. Monsieur de Pavezac, il arrive à l'instant. Vous allez bien, Benjamin? Très bien, Hector, je vous remercie. Bon, eh ben, je vous laisse. Vous devez avoir mille choses à vous dire. À bientôt, hein. J'espère qu'il va me secouer d'importance. Ah, ça, c'est probable, s'il vous aime. La matinée est superbe. Il n'ose pas. Hector, je me rends compte que ma conduite a été un peu inconséquente. Oh, ne parlons pas. Ah, si, parlons-en, j'y tiens. Je veux que vous disiez tout ce que vous pensez. Mais, Benjamin, je pense que si les autos marchent bien, nous pourrons être rentrés à Paris pour déjeuner. Oh, non, mais il ne s'agit pas de ça. J'ai mérité vos reproches, j'en ai conscience. Parlez-moi à cœur ouvert. Je ne vous comprends pas, je ne vois rien d'extraordinaire ni de blâmable dans cette petite mésaventure. Vraiment? Vraiment. Oh! Alors vous trouvez tout naturel que votre fiancée aille courir les routes seule la nuit et soit encore hors de chez elle à 11h du matin? On n'est pas maître des accidents d'automobile. Il vous est indifférent qu'elle ait passé la nuit chez un jeune homme, dans la chambre de ce jeune homme. Seule, Benjamin, seule. Mais qu'est-ce que vous en savez? Voyons. Vous acceptez sans mot dire, sans révolte, sans résistance, l'explication qu'on vous donne. Et si elle était fausse? Elle est vraie. Si je le connaissais déjà, ce jeune homme, si toute cette histoire avait été concertée entre nous, préméditée... Cette idée ne m'effleure pas. En vérité. J'ai confiance. Je souris et je me tais. Oh, non. Ah non. Non, Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on me traiterait de la sorte. Benjamin. J'éprouve la plus grande désillusion de ma vie. Vous dites ? Je dis que si vous m'aviez aimé, grand comme ça, vous seriez arrivé ici furieux, la colère dans le cœur. Vous m'auriez traité plus bas que terre, vous m'auriez déclaré que ma légèreté dépassait les bornes, que j'étais une petite rien du tout, une écervelée, pire que ça, oui monsieur, pire que ça, une dévergondée. Et vous seriez parti claquant les portes, déclarant que tout était fini entre nous, jetant sur moi un dernier regard de haine et de mépris. Voilà ce que vous devriez faire, monsieur. Oh, comme je vous aurais aimé si vous aviez agi de la sorte. C'en est trop. Depuis que vous êtes apparu sur cet escalier de bois, je me dompte. Je m'impose silence. Ben, je vais parler. Oui, Benjamin, vous avez été... Trop tard, monsieur, trop tard. Vous vous êtes trop bien résigné, j'ai trop bien compris, j'ai trop vu clair. Jamais je ne serai votre femme. Benjamin, il est impossible. Vous espérez peut-être vous rattraper. Eh bien, je vous le déclare. J'aimerais mieux, comme cette fille biblique, dont je ne me rappelle pas le nom, garder ma virginité jusqu'à l'âge de 167 ans, plutôt que de la perdre avec vous. Je vous en conjure. Oh, papa, ça arrive à point. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a que j'ai dit à monsieur un adieu définitif. Vous ne vous mariez plus ? Ah, mais non. Qu'est-ce que vous lui avez encore fait ? La plus grande des injures. Il ne m'a pas fait de reproche. Monsieur Lapistolle, j'espère que vous lui ferez comprendre. Quoi ? Que vous n'en vouliez qu'à ma dot, c'est tout compris ? Devant une pareille offense, je n'ai plus qu'à me retirer. Vous y mettez le temps. Adieu, monsieur. Je suis désolé. Oh, l'imbécile, l'imbécile! Voyons, ma petite enfant, tu n'as plus de mariage à rompre ici ce matin? Partons! Oh, et puis c'est ta faute, papa! Bon, voilà que c'est ma faute. Oui, oui, tu m'as beaucoup trop gâtée. Tu m'as habituée à ne connaître d'autres lois que mes caprices, alors tout le monde a pris le pli. Et tous, domestiques, relations, amis, fiancés, attendent que j'aie fait ou dit une bêtise pour se me parler d'aise. Eh ben, si je m'attendais... De sorte que je passerai ma vie à n'avoir ni guide, ni conseil. Condamnée à suivre toujours mes inspirations, qui sont déplorables, 9 fois sur 10, sans jamais rencontrer quelqu'un qui me résiste. Oh, oh, c'est exaspérant! Tu m'embêtes! Ouais. Ah, eh ben oui. Eh ben oui, ça au moins ça va. C'est le premier mot gentil que tu m'aies dit depuis ma naissance. Oh. Devant les 43 personnes qui montaient dans le tortillard, Monsieur Magasol m'a appelé galopin. Et Floris était toujours évanoui. Ah, cher monsieur, il s'en est passé de gai pendant votre absence. Ma fille a mis son futur à la porte. Monsieur, je vous le déclare carrément, je m'en fiche. Oh. Si de temps en temps ces violences se retournent contre elle, c'est bien fait. Permettez, il ne faut pas que le chagrin vous aigrisse. Vous allez partir ? Oui, monsieur. Bon, eh bien, vous ne partirez pas sans que je vous ai crié quelques vérités indispensables. Monsieur... Oh, laisse-le dire. Vous êtes la jeune fille la plus mal élevée que j'ai jamais trouvée. Vous allez dans la vie comme un petit cheval échappé, semant au hasard les ruines et les catastrophes. Et personne n'ose vous dire qu'on vous trouve insupportable, odieuse. Eh bien, moi, je vous le dis. Enfin, je trouve quelqu'un qui me traite comme je le voulais. Ben, ça suffit, monsieur. Non, ça ne suffit pas. Oh. Vous imaginez, parce que vous êtes riche, encore plus riche que ça, que toutes vos sottises n'ont aucune importance. Oh. Eh bien, vous avez tort. Il y a des méfaits qu'on ne répare pas avec de l'argent. Oh, encore, encore. Et si une bonne fois, on vous avait dit votre fête, eh bien, vous aurez rendu un fier service. Monsieur. Pécor, pécor. Oh, papa, ce jeune homme me plaît. Oh, alors ça, non. Au troisième acte, changement de décor. Fini la campagne, fini les week-ends, il faut rentrer et retourner au bureau. Et nous retrouvons Magasol au bureau de son ministère, assisté de ses deux acolytes, de ses deux rédacteurs, Toupet et Boissy. Cela ressemble à un bureau de ministère. Grâce au développement prestigieux de la bureaucratie, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est. Encore 2 crimes cette semaine. Ça fait 12 dans le mois, si je compte bien. Et c'est le moment qu'on choisirait pour abolir la peine de mort. Êtes-vous abolitionniste, vous, Boissy ? Monsieur Boissy. Oh, pardon, monsieur Toupet. J'ai eu l'honneur de vous demander si vous êtes partisan de l'abolition de la peine de mort. Oh, mon Dieu, monsieur Toupet... Oui, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Vous êtes revuiste, vous ne vous intéressez qu'aux événements qu'on peut symboliser par une petite femme en maillot. Du reste, c'est comme vos fonctions au ministère de la Mutualité. Vous vous en fichez. Oh, mon Dieu, monsieur Toupet... Mais vous avez bien raison. Faites des revues, mon cher collègue. Ça ne vous empêchera pas d'avancer, au contraire. Et quelques places adroitement distribuées à nos chefs contribueront à vous assurer leur bienveillance. Mais en vérité, monsieur Toupet... Oh, je vous parle sans acrimonie. Je n'ai plus d'ambition, partant, plus de fiel. Faites des revues. Vous êtes l'homme du XXe siècle, celui à qui tous les moyens sont bons pour arriver et qui demande à la pornographie le complément nécessaire à son maigre traitement. Je vous blâme peut-être, mais je ne vous blâme pas. Pour sacrifier sa vie à l'État, il faut avoir un tempérament à part. Oh, j'ai dû vous interrompre dans la confection d'un couplet grivois, je vous demande pardon. Continuez. Je vous remercie, monsieur Toupet. Tiens, l'abondance des matières nous oblige à remettre à demain la suite de notre intéressant feuilleton. C'est gai, enfin. Qui est de garde aujourd'hui? Monsieur Boissy. Oh, pardon, monsieur Toupet. Je vous fais l'honneur de vous demander qui est de garde aujourd'hui. Et c'est Normand, monsieur Toupet. Ah, c'est Paul Normand, notre futur sous-chef. Un garçon que j'ai mis au port d'armes il y a 5 ans et qui demain va nous donner des ordres. Ah, celui-là, c'est un autre genre. Il épouse les filles de directeur. C'est un arriviste. Savez-vous ce que c'est qu'un arriviste? Ah, ben, je vous crois. C'est le compère de Marvu. Et la commerce, elle la réclame. L'idée est bonne, n'est-ce pas? Oui, excellente. De tout scrupule faisant fi, je porte au monde mon défi. Rien ne m'émeut, rien ne m'attriste. Je suis le petit arriviste. C'est le couplet d'entrée. Je le trouve idiot. Oh, monsieur Toupet. J'ai d'ailleurs trouvé toutes vos revues stupides. Ah, vraiment? Oui, je vous parle sans acrimonie en spectateur. Monsieur Toupet. Monsieur le directeur. Je vais vous avoir l'obligeance de me copier ce rapport pour ce soir, 4 heures sans faute. Mais certainement, monsieur le directeur. Monsieur Normand n'est pas arrivé? Non, monsieur le directeur, il est de garde aujourd'hui. Il ne vient qu'à 10 heures. Parfait. Monsieur le directeur. Oh, canaille, va suppôt du pouvoir. 14 pages pour ce soir. C'est pas M. Paul Normand que tu les aurais fait copier, hein? Vous avez une belle écriture. Oui, monsieur, j'ai une belle écriture. J'appartiens à une génération qui savait calligraphier et qui n'en rougissait pas. C'est pas une raison pour qu'on en abuse. Je ne copierai pas ce rapport. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Normand. Vous êtes en retard de 5 minutes, monsieur Normand. Non, ce n'est pas moi, c'est le train. Oui, mais rien ne vous oblige à habiter la campagne. Écoutez, Toupet, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ah? Oui, je vous demande pardon d'empiéter ainsi sur vos attributions. Oh, ça, c'est drôle. Mais je ne relèverai pas vos insinuations. Mais en attendant que vous soyez sous-chef et que vous nous donniez des ordres, je suis le plus ancien. Et puis? Et puis? En cette qualité, je vous remets ce rapport que je vous prierai d'avoir copié pour 3 heures. Oh, bien volontiers. Pendant ce temps-là, je ne penserai à rien. Et je vous avais bien dit que je ne le copierais pas. Il a l'air tout chose. Oui. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il aura joué aux courses, il aura perdu. Le garçon de chez Liseux demande si M. Normand déjeune au bureau. Oui, oui, oui. Mais il apporte le menu. Bon, c'est bien donné. Moi, j'ai pris de l'andouillette. Vous voyez, des tomates en gratin. Oh, ils font très, très bien, l'andouillette. Eh bien, vous lui direz de m'apporter du navarin aux pommes, de la salade et du dessert. Bon. Café? Oui, oui. Avec du marc, je crois, n'est-ce pas? Oui, du marc. Mais c'est entendu. Mais midi juste. Midi. Bien, monsieur Normand. Monsieur Boissé. Monsieur Toupet. Si vos doubles fonctions d'employé du ministère et de poète vous en laissent le loisir, je vous offre de jouer un apéritif en 30 points de billard à la brasserie mutuelle. Eh, volontiers, monsieur Toupet, mais je ne prends jamais d'apéritif. J'ai parlé du mien, monsieur Boissy. Si je perds, je vous paierai comme d'habitude en timbre-poste. Je suis à vos ordres. Oh, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Bédaris, je suis votre serviteur. Et moi le vôtre, monsieur Toupet. C'est pas moi qui vous fais partir, oh, non? Oh, du tout, du tout. Nous avons achevé notre tâche ce matin et nous pouvons sans remords devancer de quelques minutes l'heure réglementaire du départ. Alors, tu es venu à Paris? Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas? Parce que je me doutais que ma présence ici était indispensable. Et j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien qui puisse t'inquiéter, petit. Ah, que tu es nerveux. Oh, il me semble qu'on aurait le droit de l'être à moins. Je n'ai pas encore revu M. Magassol, mais j'ai fait déposer sur son bureau un mémoire de 25 pages, lui expliquant les événements épouvantables d'hier. Alors, j'attends, mon ami. Vous pensez que Floris, ma Floris pourrait m'échapper? Oh, dis, laisse-moi donc tranquille, tu l'aimes pas. Moi? Oh, toi. Tu crois que tu y tiens parce que tu sens que tu vas la perdre? Mais dans le fond, tu ne l'aimes pas, dis. Ma, je t'en prie, parlons de choses intéressantes. Il me semble que mon mariage est une chose... Je viens de chez les Lapistoles. Tu es allé voir ces gens-là? Bah, parfaitement. D'abord, il m'avait invité. Ah, si ce cigare de parvenu que tu fumes... Il vient de chez eux. C'est un Havane de 2,50 francs, mon bon. Et les deux premiers m'ont fait vomir, mais je m'y habitue. Tu n'es qu'un valet. Et toi, tu n'es qu'un employé de ministère. Oh. Eh oui, je suis en relation avec les Lapistoles. Oui, je suis allé leur faire visite ce matin parce qu'il y avait une chose que je voulais tirer au clair. Et cette chose, c'est... Écoute-moi, Paul. Tu connais la subtilité de ma psychologie. Eh, tu sais comment je devine, comment je pressens, comment je subodore. Eh, je suis un pinceau qui pense. Mais bien... Eh bien, tu as produit sur la petite une impression profonde. Quelle petite? La petite chocolatière, dis. Elle ne s'en doute pas, elle est en train de t'aimer. Tu m'embêtes. Là, Moselle Lapistole n'est rien pour moi, comme je ne suis rien pour elle. Je lui déplais comme elle me déplaît. Grâce à Dieu, nous ne nous reverrons jamais. Jamais? Jamais, je t'en réponds. Oui, ben moi, j'en suis pas sûr. Non. Ça, alors, j'en accepte même pas la pensée. Que cette demoiselle ait été dans ma vie une bourrasque, un orage qui éclate et vous bouscule, une tornade. Bon. La tourmente passée, on se sèche, on remet des vitres aux fenêtres et on reprend sa vie. Mais je ne lui conseille pas. Ah, ça non. Ah, ça, je ne lui conseille pas. Allons, voyons, calme-toi, dis. C'est une hypothèse, voilà tout. Tu l'épouseras, ta petite Mangasol. N'aie pas peur et tu resteras le médiocre que tu es. C'est entendu, tu le veux, j'y souscris. Tu crois que monsieur Mangasol me pardonnera? J'en suis absolument sûr. Il te regardera longuement, il te dira. Et je m'étais trompé avec ce physique-là, cet air doux, ce front étroit, ces yeux éteints. On est un bureaucrate et pas un séducteur et un arriviste. Non, si tu pouvais dire vrai. Il te donnera sa fille, la demoiselle qui doit jouer la prière d'une vierge ou la marche indienne sur son piano. Ah oui, elle les joue. J'en étais sûr. Benjamin, elle joue du banjo. Oh. Elle m'a même promis de venir en gratter de temps en temps dans mon atelier. Ton atelier? Eh oui, 187 avenue de Villiers. C'est très gentil. Tu pourras m'y rendre visite, tu seras le bienvenu. Non, mais tu as un atelier à toi? Mais parfaitement. Mais depuis quand? Depuis ce matin. Dis, et je vais faire le portrait, devine. Devine de qui? Du papa Lapistole. Je suis lancé, moi, tandis que toi, tu rentres. Enfin. Ah, vous êtes ici, monsieur Paul Normand. Mais bien entendu, monsieur Magassin. C'est juste, vous êtes de garde, vous en profitez pour recevoir vos amis. Oh. Je le regrette, car j'ai beaucoup de travail à vous donner aujourd'hui. Beaucoup de travail. Je me retire. Bonjour et au revoir, cher monsieur Mangasol. Non, reste un instant. Monsieur le sous-directeur. Eh bien. Avez-vous parcouru le petit mémoire que j'ai déposé sur votre bureau? Je ne parcours jamais un texte, monsieur. Je le scrute. Oh, lisez-le, je vous en prie. Il est impossible que vous me rejetiez hors de votre famille parce qu'il a plu à mademoiselle Lapistole. Monsieur Normand, s'il n'y avait pour nous séparer que le souvenir des impertinences de cette demoiselle, je pourrais peut-être oublier, en effet. Mais je ne vous le cacherai pas, je garde au fond de moi-même une arrière-pensée. Une arrière-pensée, monsieur Magassol? Oui, monsieur, l'aventure de cette jeune fille, tombée chez vous à l'improviste à 11 heures du soir... Et pas encore relevé à 10 heures du matin. Cette anomalie vous est expliquée aux pages 19 et 20 de mon mémoire. Ah, toutes oui. Les apparences sont contre lui, monsieur, mais il est innocent. Je ne puis hélas ajouter grande foi au témoignage d'un compagnon de plaisir de monsieur Paul. Qu'est-ce que c'est que cette rosette que j'ai aperçue chez vous en même temps que mademoiselle Lapistole? Là, celle-là, je la prends à mon compte, c'est ma maîtresse. Votre maîtresse d'un côté et la jeune fille de l'autre. Eh oui, Elles s'entendent même très bien. Vous admettez cela, monsieur? Pages 21 et 23, monsieur le sous-directeur. Je jure sur la tête de mes enfants! Il suffit! Je lirai scrupuleusement votre mémoire jusqu'au bout, monsieur. Et s'il y a de quoi me convaincre... Oh, mais il y a de quoi! Alors je pardonnerai. Oh, monsieur Magasson! Mais comme je veux être certain de donner Florise à qui la mérite, je vous mets en observation pendant 6 mois. Si pendant 6 mois, j'obtiens par votre concierge, avec qui je me suis mis en relation, des renseignements satisfaisants sur vos mœurs... Dans 6 mois, vous épouserez ma fille. Oh, j'attendrai. J'attendrai et j'atteindrai. L'épreuve ne m'effraie pas. Tout est donc pour le mieux. Lorsque je rentrerai chez moi, j'annoncerai à ma fille que vous souscrivez à ses conditions. Elle va s'asseoir sur une chaise et s'évanouir, c'est certain. Mais j'achèterai en passant de vigoureux sels anglais. Oh, merci, monsieur Magasson, merci. Toute une existence de dévouement administratif et familial... Il suffit, monsieur. Suivez-moi jusque dans mon bureau. J'ai différentes instructions à vous donner. Monsieur, je suis votre serviteur. Monsieur... Ah, tu as une singulière façon de me défendre, toi. Eh, dis, j'ai juré sur la tête de mes enfants. Mais tu n'en as pas. C'est parce que j'en ai pas que je les aime moins. Oui, et puis tu avais bien besoin de dire que Benjamin et Rosette s'entendent très bien. Dis, c'est la vérité, faut-il donc mentir à présent? Oh! Monsieur Paul Normand! Voilà! Tu n'es qu'un imbécile! Oui, toi, tu n'es qu'un ronde de cuir, alors. Oui, eh ben, je le ferai malgré toi, ton bonheur. Et j'ai apporté la photographie de la petite Lapistole. Mais elle est jolie. Dis, entre Florise et elle, il y a une distance, Eh bien, je la mets dans ton buvard, de sorte que quand elle viendra, car elle va venir, ça doit donner quelque chose, va. Ça, ils sont en retard. Par ici, merci, mon ami. Ah, ce sont deux. C'est nous, bonjour, monsieur Félicien. Et bonjour, mademoiselle. Pourquoi Benjamin a-t-il absolument voulu que je la conduise ici? Il m'a dit de vous le demander. Mademoiselle, votre fille désirait présenter à mon ami Paul des excuses. Alors, je lui ai dit qu'elle le trouverait au ministère à midi. J'ai ajouté qu'elle m'y trouverait aussi. Ouais. Une fois la visite rendue, je vous accompagnerai chez vous puisque nous y déjeunons de compagnie. Voilà. Tu éprouves le besoin de t'excuser auprès de Monsieur Normand. Oui. Mais il t'injure. Moi aussi. Alors, vous êtes-il? Pas du tout. Grâce à moi, son mariage est rompu. Le tien a failli l'être grâce à lui. Savez-vous pourquoi papa est de mauvaise humeur? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Parce que j'ai bouleversé ses projets. Oh, quel projet? Bien, papa est attendu à midi à son conseil d'administration. Et un joli petit conseil d'administration qui lui donne bien du fil à retordre. Ma fille! On ne nie pas. Quand tu mets ta perle baroque, c'est couru. C'est que tu vas siéger. Ne la croyez pas, monsieur Bédard. Je ne crois rien. Alors, papa est très pressé. J'ai traîné ici parce que je ne jugeais pas convenable qu'une jeune fille vint seule dans un ministère. Mais moi non plus, je ne juge pas ça convenable. Ah, mais rassure-toi, papa, on va rester 5 minutes et tu seras libre après. C'est que son conseil l'attraperait. Vous savez qu'il a très mauvais caractère, son conseil. Pas du tout. Oh, mais si. Et tout ça, monsieur Félicien, pour traiter d'une affaire déplorable, d'une affaire qui lui coûte les yeux de la tête. Ah, vraiment? Oui, oui. Mais n'en croyez pas un mot, c'est une très bonne affaire. Il doit être encore là, monsieur le sous-directeur, je vais voir. Oh, t'es une visite pour toi. Oh, non, là, un chien. Nous sommes indiscrets, hein. Mademoiselle, mais comment, après ce qui s'est passé? Et vous, monsieur? Oh, toi, nous causerons, hein. Je reconnais avec vous que nous avons le plus grand tort d'être ici, mais c'est ma fille qui désire vous faire des excuses. Des excuses? Oui. Je suis extrêmement pressée, madame. Je n'ai qu'un mot à vous dire, monsieur. Quand j'aurai dit ce mot, je m'en irai avec papa et vous ne me reverrez plus. Alors, parlez. Êtes-vous toujours brouillée avec votre beau-père? Toujours. Eh bien, je regrette d'avoir été la cause de cette brouille et je vous prie de ne pas m'en vouloir. Oh, je ne vous en veux pas, mademoiselle. Si vous le désirez même, nous ferons une démarche auprès de monsieur Magasol, moi et papa. Ah non, mademoiselle, non, non, non. Une telle démarche ne serait pas heureuse. Surtout si vous accompagnez monsieur votre père. Non, ça, je préfère agir tout seul. Vous êtes gentille, mademoiselle, mais tout ça s'arrangera mieux sans vous. Heureusement, monsieur Magasol est sorti. J'aurais été désolé qu'il vous trouvât au ministère. Mais je n'y remettrai plus les pieds, mon cher monsieur. Eh bien, ça vaut mieux. Oh. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Je reste très sensible. Très sensible. Au revoir. Veux-tu reconduire monsieur, mademoiselle? Et puis reviens me parler, hein. Il ne sait vraiment pas recevoir les excuses. En attendant, il t'affiche définitivement à la porte. C'est bien fait. Oh, je sais pourquoi il a été désagréable. Vraiment? Ta tête ne lui revient pas. Je l'ai déjà remarqué hier à la campagne. Quand tu es là, il devient grincheux. Je savais que ça finirait par être ma faute. Enfin. Ça y est, n'est-ce pas? Ouais. C'est curieux tout de même. Je passe ma vie à être entourée de jeunes gens qui me font la cour, qui traverseraient Paris à cloche-pied pour un sourire de moi. Et je viens ici, à l'heure du déjeuner, me faire rabrouer par un petit employé. Oh, c'est très curieux. Mais ma petite enfant, il y a peut-être un moyen auquel tu n'as pas songé et qui arrangerait tout. C'est de nous en aller. Oui, c'est ça, partons. Vous comprenez? Quand je suis avec ce garçon-là, c'est comme si je croquais des groseilles pas très mûres. Ça agace les dents et on a envie d'en manger d'autres. Benjamin! Oui, papa! Au revoir, monsieur Félicien. Cet égal, il a un sale caractère, votre ami. Je plains les bonnes gens qui sont obligés de le voir tous les jours. Et elle s'en va. Et la photographie? D'ici qu'il travaille? Oui, voilà son bureau. Et sa chaise? Si, et son encrier, son grattoir, son tampon, sa sandarac. Et son buvard? Ah non, ne touchez pas au buvard! Pourquoi? Ça, il me l'a expressément recommandé. Surtout, m'a-t-il dit, si mademoiselle Benjamin ne vient ici, qu'elle n'ouvre pas le buvard. Ça, il y a là-dedans des rapports, des correspondances, des mémoires. C'est peut-être amusant, hein? Attendez. Oh! Vlan, j'ai eu du mal, moi. Ma petite fille, c'est une plaisanterie. Tu m'obliges à remonter un étage. Allons, viens. Oh, écoute, Jules, veux-tu me laisser 2 minutes avec monsieur Bédaride? Voilà autre chose. Qu'est-ce que tu as à dire tout à coup à monsieur Bédaride? Si je te disais ce que j'ai à lui dire, je n'aurais pas besoin que tu sortes pour le lui dire. Bien, papa. Et puis, il est 9:50. Oh, diable, il a raison. Et mon conseil qui part en tournée à 2 heures. Quoi? Tu ne peux pas m'emmener. Mais c'est vrai, mais je ne peux pas te laisser non plus. Mes devoirs paternels d'un côté, mes devoirs administratifs de l'autre. Mon Dieu, que la vie d'un père est difficile. Eh oui, il faut louvoyer. Louvoyons. Eh, prenez-vous l'auto? Non. Non, bah, alors confiez-moi, mademoiselle Benjamin, je vous la ramènerai chez vous et puis nous nous retrouverons pour déjeuner. À une heure. Au revoir, papa. Au revoir, Jules. Monsieur Bédaride. Elle y revient. Mademoiselle? Je n'ai pas rêvé. Tout à l'heure, l'attitude de monsieur Paul Normand a été froide, très froide. Ah, certainement. Il a nettement formulé le désir de ne plus me voir. Ça, il a formulé ce désir, oui. Bref, il ressort des procédés de monsieur Paul Normand que je lui suis indifférent. Ah, nous pouvons même dire antipathique. Bien. Voulez-vous, je vous prie, soulever son buvard et regarder ce qu'il y a dedans? Avec plaisir. Oh! Vous ne vous êtes pas trompé, c'est mon portrait. Oh! Il a mon portrait dans son buvard. Expliquez cela, monsieur Félicien. Oh, l'imbécile! Oh, le téméraire! Oh, malheureux Bédaride! Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, j'ai... j'ai que je suis pris. Pris entre le serment de me taire et la nécessité de parler. Comment il vous aurait fait jurer? Mais d'abord, comment a-t-il de vous une photographie? Elle est donc en vente. Pas du tout. Non, mais alors? Alors, je ne sais pas. Mais moi non plus, je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. On ne m'arrachera rien. Oh, le téméraire. Il m'aime? Non, je ne voulais pas dire. Vous lui direz bien que je ne voulais pas dire. Eh ben ça, mon petit Félicien, c'était pas tant. Quoi, vous êtes contente? Contente, non. Enfin, je ne crois pas, je suis renversée, voilà. Oh, ben, pourtant, sa ligne de conduite, elle est bien simple. Il vous donne le change pour qu'on ne puisse un jour le soupçonner d'aimer vos millions. Ben, vous avez dû deviner cet amour-là, non? Un homme à qui vous seriez indifférente serait au moins poli avec vous, non? Lui, il vous traite comme la dernière des dernières, c'est donc qu'il vous aime. Il m'aime, ce type. Ma la folie, mais... non, ça, vous savez, ne vous excitez pas, hein. Rien à faire. Vous lui diriez, mais que fait là ma photo? Il répondrait, c'est pas moi qui l'y ai mise. Ah, non, alors venez, soyez charitable. Hein. Ne vous exposez plus à ses regards, laissez-le oublier et se résigner à épouser la fille Mingasol. Ah, écoutez, je trouve ça épatant d'avoir le courage d'être malhonnête avec une jeune fille pour qu'elle ne s'aperçoive pas qu'on l'aime. Et c'est très chic. Ah, il me plaît de plus en plus, votre bureaucrate. Je ne partirai pas sans que nous soyons devenus une paire d'amis. Bonjour, messieurs, dames. Tiens, qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Il apporte le déjeuner de Paul. Ah, il déjeune ici? Oui, les jours où il est de service. Ah, sur son bureau? Sur son bureau. C'est très gentil. C'est très amusant d'être employé de ministère. Est-ce que ceux qui sont mariés déjeunent comme ça, avec leur femme? Ah non, ça se fait pas, ça. C'est dommage, ce serait charmant. Vas-y, on téléphone, hein. Peut-être la petite amie de monsieur Paul, est-ce qu'il en a une? Ah, il ne m'en a jamais parlé. Oh là là, je vais répondre. Allô? Allô? Quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Ah, il n'est pas là. C'est un homme. Ah. Non, je vous dis qu'il n'est pas là. Que j'aille le chercher. Oh non, la barbe, mon vieux. Hé, hey, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est rien, c'est un bonhomme qui demande, je sais pas, l'employé de garde, c'est rien. Hey, allez donc, c'est pas votre père. Oh, ce serait papa, je ne m'en inquiéterais pas davantage. Comment? Encore ici? Ah, nous partons, nous partons. Non, nous allons simplement te dire encore une petite fois adieu et on te laisse déjeuner. Eh ben, c'est ça. Il sent bon, votre frichetis. Oh, vous vous moquez, mademoiselle. Mais pas du tout, je suis sûre que ça doit être délicieux. Qu'est-ce que c'est? Du navarin aux pommes. Oh, j'en ai jamais mangé. Allô, au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est entendu. Allons à un grand effort. Dites-moi quelque chose d'aimable avant que je vous quitte. Mes hommages à monsieur votre père. Là, c'est gentil, ça. Très. Adieu. Benjamin sort avec Félicien. Paul, resté seul, met son couvert, s'assied et va commencer son repas. La porte s'ouvre et Benjamin reparaît. Vous avez oublié quelque chose, mademoiselle? Non, je n'ai rien oublié. Et alors? Alors, je voudrais manger du navarin aux pommes. Oh non, franchement, mademoiselle... Vous attendez à cette réception-là, mais je suis revenue tout de même. Je veux manger du navarin aux pommes. Bon, on en trouve chez tous les marchands de vin, mademoiselle. Ah oui, mais je veux de celui-là. Je vous ai déjà dit que si monsieur Mingasol vous rencontrait ici... Je suis informée, il n'y a aucun risque. Il ne revient jamais avant 3 heures. Oh, donnez-moi un peu de navarin aux pommes. J'aurais mauvaise grâce à vous refuser, mais vraiment... Ah, que c'est gentil. Ah, vous ne savez pas, vous ne saurez jamais le plaisir que vous me faites. Je suis certain que ça va vous paraître détestable. Oh, c'est exquis, c'est un rêve. Ma vie pour ce navarin aux pommes. Je le trouve trop gras. Oh, vous avez une faiblesse pour le maigre. Je m'en suis aperçue en voyant mademoiselle Mingasol. Floris n'est pas maigre. Oh, si vous voulez, elle n'est ni maigre, ni grasse. Vous permettez que je reprenne un peu de ce navarin? Je vous en prie. Non, mais alors, dites-moi franchement que vous vouliez déjeuner avec moi. Je vous le dis franchement, je veux déjeuner avec vous. Mais monsieur, votre père va vous attendre. Papa, ben, il attendra, il faut bien se gêner un peu pour vous. Si je n'avais pas peur d'être tout à fait indiscrète, je vous demanderai... Quoi donc? De me prêter un verre, je meurs de soif. Bah, oui, mais je n'en ai qu'un, j'ai bu dedans. Oh, moi, ça ne me fait rien. Seulement, c'est vous, tout à l'heure, qui n'allez pas vouloir. Non, je vous demande pardon, mais il ne faut rien exagérer. Tout en déplorant une familiarité à laquelle je n'ai aucun droit, je boirai très bien après vous dans ce verre. Il y en a la preuve. On dit que c'est un moyen de pénétrer la pensée des autres. Oui, oh, la vôtre est très simple à deviner. J'étais le seul homme qui n'eût pas jusqu'ici cédé à un de vos caprices et vous avez trouvé piquant de m'obliger à ce tête-à-tête. Eh bien, pas du tout. C'est bien plus bête que ça. En vous quittant là tout de suite, j'ai éprouvé un ennui profond à l'idée de rentrer chez moi et d'y retrouver M. de Pavzac. Votre fiancé? Mon fiancé, oui, nous devions déjeuner ensemble, il m'attend aussi. Puis j'ai pensé au navarin, qui sentait bon, un peu à vous, qui grignotiez tout seul sur un coin de table. Alors j'ai dit à M. Bédari d'au revoir, je vais goûter au navarin. Il a beaucoup ri, et voilà. Une fantaisie de petite fille millionnaire. Oh, écoutez, vous avez toujours l'air de me reprocher d'être riche, c'est pas ma faute, j'en suis assez désolée, allez. Oui, oh, on dit ça. Je ne me reproche d'ailleurs rien qu'une chose, c'est votre tendance à disposer de moi comme d'un joujou sans importance. Eh bien, mademoiselle, je vais vous confier un secret. Je suis peut-être insignifiant pour le reste de l'univers, mais je possède à mes yeux une importance réelle. Et vous envoyez à tous les diables, mademoiselle Lapistole, qui a failli vous séparer de votre Floris. Il y a un peu de ça. Je ne sais pas si je l'ai mal regardé, votre Floris, mais je ne peux pas m'expliquer qu'elle vous ait inspiré une telle passion. Elle est maigre. Non, mademoiselle. Or, elle a une nuance de cheveux très banale. Elle est trop grande pour vous. Ah, ça, c'est certain, vous ne pouvez pas dire non, mademoiselle. Il vous faut une femme petite, alerte et rigolo, parce que vous avez besoin d'être égayée. C'est monotone, votre existence ici. Non, pardon, pardon, maintenant ça vous dérangez les dossiers de monsieur oh, Toupet, pardon, pardon. Oui, puis c'est ingrat, votre besogne. Tenez, j'ai pris au hasard. Société de secours mutuelle statistique des adhésions. Ouh, il y a de quoi mourir d'ennui. Non, je vous en supplie, mademoiselle. Voyons, prendrez-vous du café? Ah oui, volontiers. Bon, alors faites-moi l'honneur de boire la première. Merci. Du sucre? Non, jamais. Oh, ça devient drôle. Nous n'avons pas un seul goût semblable. Moi, je mets 4 morceaux. Non, c'est plus du café, c'est de la mélasse. Qu'est-ce que vous pensez de mon fiancé? Je ne l'ai jamais vu, mademoiselle. Ah, c'est pas comme moi. Est-ce que je le vois, ce garçon-là? C'est effrayant. Oh, madame. Quand vous me ferez le plaisir de dîner à la maison... vous ne pouvez plus refuser. Il faut bien que je vous rende votre politesse. Je vous le présenterai. Vous verrez. Il est beaucoup trop grand pour moi. J'en suis désolée. Il est extrêmement bien élevé, par exemple. Il est bête! Alors pourquoi l'épousez-vous? Je sais pas. Je crois que c'est parce qu'il m'a demandé en mariage. Vous ne me ferez jamais croire qu'avec votre caractère, on vous ait fait accepter quelqu'un qui ne vous plaisait pas. Vous me connaissez mal. J'ai l'air d'être volontaire parce que tout le monde me cède. Le fond de ma nature, c'est la soumission. Oh non, celle-là est bonne. Oh, mais parfaitement, De même que le fond de la vôtre est l'autoritarisme. Comment, moi, autoritaire? Non, mais réfléchissez. Vous ne vouliez pas me recevoir chez vous. Vous ne vouliez pas me donner votre chambre. Vous ne vouliez pas que j'entre dans votre bureau. Vous ne vouliez pas que je déjeune avec vous. C'est bien simple, chaque fois qu'on vous demande quelque chose, vous refusez. Eh bien, moi, c'est nature forte, tyrannique, ça m'attire. Quelle drôle de petite femme vous faites, tout de même. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Du marc. Du marc? C'est fort, ça. Oh, oui. C'est pour les hommes, ça? Oui. Je vais en prendre un peu. Mais ce n'est pas pour vous, mademoiselle voyante. Oh, ben là, qu'est-ce que je vous disais? Vous ne voulez pas que je prenne du marc. Oh, et vous avez raison, parce que c'est détestable. Eh ben, c'est bien fait. Comment s'appelle votre maîtresse? Ma maîtresse, mais je n'en ai pas. À votre âge, c'est incroyable. Ben, c'est comme ça. Monsieur de Pavzac en a une. Il me l'a montrée aux courses, elle est très jolie. Elle s'appelle Dessous de frites, c'est original, pas? Très. Il m'a dit qu'il allait la quitter, mais c'est pas vrai. Comment? Dans notre monde, un jeune homme qui se marie ne quitte pas sa maîtresse, c'est très mal porté. Allons donc. Le jour de son mariage, il lui fait un très beau cadeau, il lui dit adieu pour toujours. Et 8 jours après, il retourne chez elle. Curieux. Parisien. J'espère que vous viendrez me voir avec votre femme. Mais très volontiers. Monsieur Paul, regardez-moi dans les yeux. Dans les yeux? Vous êtes content d'épouser mademoiselle Magasol? Très content. Alors dites, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avez-vous mis ma photographie dans votre buvard? Il n'y a pas de photographie dans mon buvard. Ah, tiens, oui. Et c'est vous? Oh, c'est une farce que vous m'avez faite. Je ne la trouve pas drôle, et c'est imprudent. Si M. Magasol l'avait trouvée... C'est bien. Je vois que vous cachez vos vrais sentiments derrière une volonté de faire. Oh! J'aime ça. Mais je n'ai jamais été si en colère d'être riche. Et pourquoi? Pour rien, nature sublime, pour rien. On reste de bons amis au moins, n'est-ce pas, M. Paul? De très bons amis, mademoiselle. Voulez-vous qu'on s'embrasse avant de ne plus jamais nous revoir? De grand cœur. On n'en trouve pas au coin de toutes les rues des hommes comme vous. Si. Non. Si. Non, embrasse-moi. Oh. Vous êtes un cyclone. Une énigme. Bien entendu. Oh. Prévenu par un coup de téléphone anonyme, j'accours et je vous trouve dans les bras de mademoiselle. Je vous jure que c'est la fatalité qui... Monsieur le ministre vous demande, monsieur. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Affaire de service, sans doute. Voilà, auparavant, laissez-moi vous dire que les circonstances... Il ne faut pas faire attendre le ministre, monsieur. Mais expliquez-lui, mademoiselle. Soyez tranquille. Expliquez-lui que je n'ai pas démérité, pages 15 et 16, monsieur Magasol, et que ma chère Florise... Je vous défends d'appeler votre chère Florise une jeune fille sans tache, qui reste et restera désormais pour vous une étrangère. Oh, mon Dieu! Et je vous enjoins de descendre chez le ministre. Oui, monsieur le sous-directeur, oui, oh, vous. Monsieur Magasol. Vous, ma petite, il vous faut déguerpir et tout de suite. Déguerpir? Oh, soyez heureuse d'ailleurs, votre petit amant va vous être rendu. Car j'ai tout lieu de supposer que monsieur le ministre est en train de le flanquer à la porte. Non. Parfaitement. Pourquoi ça? Monsieur Paul Normand a dit la barbe au ministre par le téléphone. Ouh, nom d'un chien, c'était le ministre. Oh, évidemment, la tête n'y est plus. Il insulte ses supérieurs, il transforme les bureaux en cabinets particuliers. Ah, vous le tenez, ma petite? Vous le tenez? Je ne suis pas votre petite. Je suis une jeune fille du meilleur monde, mon pauvre vieux. Que? Eh bien, jeune fille du meilleur monde, je vous donne 5 minutes pour avoir déblayé le parquet. Dites donc, c'est bien décidé, vous n'en voulez plus pour gendre de Monsieur Paul. Ah, non! Vous ne le regrettez pas? Je ne pense pas. Eh bien, je le prends, moi, ce petit laissé pour compte. Je le prends. Je suis révoquée. Elle a profité de mon absence pour répondre au ministre, la barbe, mon vieux. J'ai dit la vérité, mais on ne m'a pas cru. Oh, c'est fini, moi je ne lutte plus, je m'abandonne à la destinée. Ah, te voilà, je viens me voir. Je suis révoqué, mon vieux. Oh, mon pauvre ami. Oh, mais je ne lutte plus, sinon j'accepte tout ce qui m'arrivera, et avec le sourire. J'ai fait la connaissance du ministre, il est très bien. Il m'a dit, monsieur, vous ne faites plus partie de mon administration. Je lui ai répondu, merci, monsieur le ministre, et voilà. Et tout s'arrangera, tu vas voir. Oh. Monsieur Paul Normand. C'est moi, monsieur. Je suis monsieur de Pavesac. Oh, qu'est-ce que vous allez me faire, vous, monsieur? Prévenu par un coup de téléphone anonyme que vous m'avez volé mon bonheur. Oh, ne vous donnez pas la peine, vous voulez vous battre, c'est entendu. Au sabre de cavalerie, monsieur, demain matin. Le sabre de cavalerie, je n'osais pas le souhaiter. C'est bien. Monsieur, je vous salue. Vous êtes un homme loyal, vous avez tort de fréquenter cet individu. Bien obligé. Au revoir, monsieur. Eh ben, j'espère plus rien pour ce matin, moi je vais partir. Mais dis, où vas-tu? Oh, ça, je ne sais pas, moi. Je vais m'en aller tout droit devant moi, par les rues, et la première rivière un peu importante que je rencontrerai. Ça sera probablement de la Seine. Eh ben, je me jette dedans. Dis, allons, allons, allons, Paul, tout ça c'est rien. Oh, tu crois? Dis, je sens de l'ivresse au fond de la coupe. Le voilà, papa. Je le vois. Mets tes gants. Enfin, je triomphe. Bonjour, monsieur, mademoiselle, je suis toujours votre serviteur. Je ne vois pas bien quelle catastrophe nouvelle vous pouvez faire tomber sur ma tête, mais enfin, je vous écoute. Parle, papa. Monsieur, vous m'avez parlé hier avec insolence. Vous avez atteint même un tel point dans la grossièreté que j'avais juré de ne vous revoir, le cas échéant, que pour vous administrer une paire de gifles. Eh bien, allez-y, monsieur, je vous en prie. Mais je reconnais aujourd'hui que j'avais affaire à plus malin que moi. Hein? Je vous estime pas beaucoup, mais je vous respecte. Vous êtes une force. Monsieur Paul Normand, j'ai l'honneur de solliciter votre main en faveur de ma fille, mademoiselle Benjamine Lapistole. Et bravo! Oh, je suis ému. Pardon, monsieur, vous avez dit? J'ai dit que je vous demande en mariage pour ma fille ici présente. Oh! Alors, il fallait ça pour me rendre un peu d'énergie. Pour la dot. Moi, épouser votre fille? Dis, tu refuses? Tu es un traître. Monsieur Paul! Ah, devenir le mari de mademoiselle? Ah non, vous voulez rire, père Lapistole, là, vous voulez rire! Je perds la tête! C'est-à-dire que j'aimerais mieux, mais entendez-vous, mais travailler comme terrassier nu-tête en plein midi à la construction d'un chemin de fer éthiopien au mois de juillet, plutôt que d'être exposé à la revoir 60 secondes par jour! Non, papa, c'est pas vrai, il m'aime! Moi, je vous aime! Oh non, mais prenez garde, mademoiselle! Le plancher de cette salle va s'entrouvrir et les murs vont s'écrouler! Moi, je vous aime! C'est-à-dire que je retrouve des forces pour vous dire que je vous déteste! Que vous êtes la plus abominable, la plus féroce des petites égoïstes que la nature éprise de monstres se soit plus à pétrir du limon de la terre! Retournez dans vos automobiles, vos yachts et vos châteaux avec votre infortuné père! Je sais qu'une inconscience salisse naturellement au gâtisme! Oh, je l'adore! Un jour viendra où la voix du remords s'élèvera dans votre âme, et ce jour-là, honteuse, terrifiée, vous entrerez en légion! Adieu! C'est la meilleure que tu m'aies faite, mon enfant. Oh, qu'il était beau, qu'il était beau. Mais si jamais tu prononces seulement devant moi... Papa, le nom... Monsieur Paul Normand l'a dit, et il a eu raison. Ou je serai sa femme, ou j'entrerai en religion. Benjamin! Et laissez-la dire, il n'y a plus de couvent. Ce n'est qu'un mot, naturellement. Et sur ce mot, nous allons prêter l'antenne pour quelques instants au journal parlé. Ne vous éloignez pas. Dans 8 à 9 minutes, nous retrouverons le quatrième acte de La Petite Chocolatière. Au dernier acte de La Petite Chocolatière, comédie en quatre actes de Paul Gaveau, nous faisons irruption dans un magnifique atelier de peintre. Mais oui, Félicien le malin, Félicien l'artificieux, a réussi à se faire offrir un atelier par Lapistole, le marchand de chocolat. Au milieu de l'atelier, et bien en vue, par reconnaissance sans doute, trône un portrait du bienfaiteur. Tu regardes ton tableau, mon chéri? Eh oui. Et ça te rend triste? Ce qui me rend triste, Rosette, c'est qu'il restera inachevé, comme la ronde de nuit. Alors c'est vrai, mademoiselle Lapistole te reprend son atelier? Eh, c'est trop vrai. Eh, nous avons frôlé le bonheur, Rosette. Oh, toi surtout, car moi je l'avais. Bonne, simple et peu exigeante créature. Je veux pas que tu te frappes comme ça. Tu quittes Lapistole, mais ton talent te suivra. Eh oui, la belle affaire. Ce n'est pas le talent qui est rare, c'est l'occasion. Où allons-nous traîner nos guêtres maintenant, dis? Chez notre ami Paul. Nous confondrons nos trois tristesses. Ah, ne me parle jamais de M. Paul Normand. Il a trompé volontairement tous mes espoirs. Il m'a manqué sous le pied, c'est une échelle pourrie. C'est de moi que tu parles? Parfaitement. Bonjour, Rosette. Bonjour, mon pauvre Paul. Eh bien, le fleuve. Tu l'as donc pas rencontré sur ta route, le fleuve? Si, mais il y avait un pont, alors... J'ai profité du pont et j'ai profité aussi de ce qu'en 24 heures, la vie m'avait apporté d'expérience. Me tuer pour une petite péronnelle, non. Là, je veux vivre. Je n'ai pas trop d'une très longue existence pour la détester et pour me venger d'elle. Oui, ben commencez donc par te détester toi-même, imbécile. Oui? Oh, Félicien. Non, non, moi, il faut que j'éclate, moi. Tu es un imbécile et surtout un petit homme. T'es un tout petit homme. Comment moi, Félicien Bédaride, je jette les yeux sur la jeune fille la plus riche et la plus jolie de France. Je décide par paradoxe qu'elle tombera amoureuse du jeune homme le plus quelconque qui soit. J'arrive à ce prodigieux résultat et le jeune homme quelconque se rebiffe et il crie vengeance. Oh non, non, non. Mais qu'est-ce que tu chantes? Tu as décidé, toi? Mais oui, monsieur, oui, oui, par sollicitude amicale. J'ai crevé 4 pneus, moi, monsieur. 815-105. J'ai fumé des cigares vertigineux. J'ai volé des photographies pour les mettre dans votre buvard. C'était toi? Oui, et j'ai obtenu qu'on vous demande en mariage. Et on vous a demandé, car on vous aimait. Oh, tu mens. Oui, si, si, on vous aimait. Mais tu mens, cette petite m'a toujours détesté. Et la preuve, c'est qu'elle se marie avec un autre. Le Figaro l'annonce ce matin. Petit homme, va, tout petit homme. Non, non, non, ce que je retiens de l'aveu que tu viens de me faire, c'est ta duplicité, ton ambition, ta sale ambition. Tu m'as traité comme une échelle, tu disais toi-même tout à l'heure. Et les ruines de mon bonheur auront servi à édifier le tien. Ah, ah, parlons-en. Alors, oui. Messieurs, je vous en prie. Non, mais parlons-en de mon bonheur. T'es, ils m'ont flanqué à la porte les lapistoles, mon bon. C'est vrai? Mais c'est vrai. Ah, bah voilà, enfin une bonne nouvelle. Eh, Charmin. Et l'atelier où vous êtes, nous devons l'avoir rendu à Mademoiselle Benjamine avant ce soir. Non, mais comment rendu? Il n'est donc pas à vous, cet atelier? Mais non. Mais tu m'avais dit que... Mais quand je t'ai dit que j'avais un atelier, je savais pas que je l'avais à l'heure. Ainsi, je viens ici pour vous demander asile, pour me sentir enfin loin d'elle, et je tombe dans. Adieu. Dis, hé, tu retournes au fleuve? Je retourne où ça me plaît. Dans ma petite maison de Suzy, probablement Rosette, vous y serez toujours la bienvenue. Oh, faites pas trop de chagrin, mon petit Paul. Moi, j'ai dans l'idée que Floris vous reviendra. Floris? Ah oui, ah oui, ah oui, Floris. Oui. Adieu. T'as bien un brave garçon, tout de même. Hein? C'est surtout une cervelle hermétiquement close. C'est Monsieur Paul Normand que je viens de croiser dans l'escalier. Eh oui. Vous fréquentez encore ce monsieur? Il faut bien revenir à ses anciens amis, puisque les nouveaux... Les nouveaux ne vous quittent pas, monsieur Bédaride. Mes hommages, mademoiselle. Je me retire, monsieur. Non, non, non, vous n'êtes pas de trop. Vous avez dit... J'ai dit que je restais votre ami, mon cher maître, et que nous allons attaquer notre dernière séance de pause. Eh, et que s'est-il donc passé, bon Dieu? Il s'est passé que ma fille me fera un jour pousser des cheveux blancs. Pourriez-vous, mademoiselle? Pour rien. Voici le billet que sa femme de chambre vient de me remettre. Mon cher papa, en lisant dans le Figaro de ce matin que j'épousais décidément monsieur de Pavzac, je me suis pris à réfléchir. Ce fiancé, je l'ai accepté de toi dans un moment de distraction. Je l'ai chassé dans un moment de sagesse. Je l'ai repris dans un moment de colère. La raison de toutes ces incohérences, c'est que je n'aime vraiment qu'un être au monde, le suprême. J'ai nommé Dieu. Elle est complètement folle. Et non, et non. Je vais donc entrer en religion, peut-être dans les ordres contemplatifs dont on m'a beaucoup parlé. Puisque tu vas chez monsieur Bédaride, dis-lui que je regrette d'avoir été méchante envers lui et avec un de ses amis dont je ne me rappelle plus bien le nom. Monsieur Bédaride avait mon atelier, qu'il le garde. Dis, elle est très gentille depuis qu'elle est religieuse. Adieu, papa. Te voilà libre, tu pourras faire la noce tant que tu voudras, puisque je prierai pour toi. Étonnant. Oui. Moi, je connais Benjamin. Elle durera 8 jours, cette vocation-là. Oh, c'est bien possible. Enfin, c'est toujours une semaine pendant laquelle elle me laissera tranquille pour embêter son autre père. Comment? Celui qui est aux cieux. C'est bien son tour. Dites, et le Pavezac, comment il va prendre ça? Comme d'habitude. Ouais, c'est juste. Bon, alors nous reprenons le travail? Mais oui. Ah, je suis contente. Dis, Rosette, c'est de nouveau la gloire, le succès. Je vais chercher mes pinceaux. Moi, j'avais déjà tout emballé, moi. Alors, c'est presque fini. Et presque. On peut voir? Regardez. Eh bien. Eh bien, oui. C'est une peinture qui surprend, hein? Alors, c'est moi, ça. Évidemment. Je ne me serais pas reconnu au premier abord. Ah, dis, c'est pas une photographie. C'est une impression de peinture à propos de vous. Oui, oui, envisagé comme ça. Elle dit, ceux qui vont gueuler au salon, alors. Je le crois. Ça, je crois qu'on gueulera. Ouais, ben bravo. Si vous voulez bien, comme vous me l'avez promis, m'obtenir la commande de Mademoiselle Potin ou du fils du bonnet, par exemple. C'est entendu. Je vous lancerai. Mais crayon de nom, cher ami, votre peinture est donc spéciale. Eh, heureusement. Et je vais chercher les pinceaux. La joie que j'apporte à votre ami vous rend toute triste, mademoiselle? Dame, oui. Pourquoi? Pour rien. Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais elle est dictée par de l'intérêt que je vous porte. Du vrai intérêt. Ah. Oui. La première parole que vous m'avez adressée chez monsieur Dormant fut pour me remettre à ma place. C'était tout à fait bien et je n'ai pas oublié ça. Oh, monsieur... Si, vous êtes gentille. Vous êtes une petite femme gentille. Et puis vous aimez votre Félicien. C'est gentil aussi, ça. Ah oui, je l'aime. Alors, c'est vrai, monsieur, il va devenir célèbre? Ça, je vous le promets. Je m'y suis engagé et je tiendrai parole. Oh, merci, monsieur. Vous ne pouvez pas savoir la joie que vous me procurez. Dans un an, les Bédarides se vendront très cher. Entre nous, je lui ai dit à lui-même mon sentiment. Sa peinture est un peu spéciale, mais je n'ai pas l'importance. Je le lancerai. Vrai ? C'est difficile, n'est-ce pas, de lancer un peintre ? Oh ! Un peintre, ça se lance comme un chocolat. C'est une affaire de publicité. Et puis, savez-vous, monsieur, ce dont il faut vous occuper aussi ? Non. C'est de lui faire faire un beau mariage. Un beau mariage ? C'est vous qui me demandez ça ? Oui. Oh, moi, je ne compte pas. J'ai toujours pensé qu'il viendra un moment où je disparaîtrai de sa vie. Et maintenant, je ne peux plus rester avec lui. Et pourquoi donc ? Mais parce qu'il va vouloir modifier son existence. Il ira chez vous, chez d'autres personnes très bien qu'il ne me recevrait pas. Alors, il me laisserait seule, j'aurais de la peine. Ou bien, de temps en temps, il voudrait rester avec moi et il se ferait du tort. Alors ? Ben alors, comme je ne veux pas être un obstacle à sa carrière, je vais le quitter. Vous lui avez parlé de ce projet ? Oh non, non. Peut-être qu'il me dirait de ne pas partir et ça m'enlèverait mon courage. Elle est délicieuse, cette gamine-là. Voyez-vous, monsieur, aimer assez un homme pour rester avec lui, c'est facile. L'aimer assez pour s'en aller quand on le gêne, c'est plus dur. Mais moi, je sais que je pourrais. C'est épatant, ça. N'est-ce pas que j'ai raison ? Je ne dis pas que vous ayez tort. Les premiers jours, bien sûr, il lui manquera quelque chose. Et où irez-vous ? Mais monsieur, j'ai un état, je suis modiste. C'est parfait. Mais je suis pas maladroite, j'arriverai très bien à être première rue de la paix dans une dizaine d'années. Travailler chez les autres, sottise. Il faut s'établir, mon enfant. Oh, monsieur, m'établir, ça, vous n'y pensez pas. On ouvre aux environs de l'Opéra une petite boutique blanc et or, Mademoiselle Rosette Mode, et on fait fortune. Tout simplement. Et j'ai toujours eu envie de commanditer une maison de mode, moi. C'est vrai. Oh, monsieur. Et je vais plus loin. Vous m'inspirez confiance. D'abord, j'ai toujours eu du flair. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Je vous établis. Voilà un chèque de 25 000 francs. Oh, non, non, non, non, non, monsieur, non. Monsieur, monsieur. Vous pouvez le présenter à la Société Générale. On connaît très bien ma signature. Monsieur, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous me faites beaucoup de peine. Et pourquoi donc ? Quand un monsieur de votre âge donne 25 000 francs à une femme du mien, on sait ce qu'il pense d'elle. Je vous donne ma parole. Alors, gardez votre argent, monsieur. C'est peut-être très bête, mais je suis une honnête fille. Mademoiselle Rosette, on rencontre, même à Paris, très rarement. Mais enfin, on rencontre des vieux messieurs qui n'ont pas sur toutes les jeunes femmes les intentions que vous me dites. Prenez ce chèque. Assurez-vous que je n'ai pas la moindre velléité de chercher à vous revoir. Achetez votre petite boutique. Et plus tard, si vous êtes devenu très riche, eh bien, vous me rendrez mon argent avec les intérêts. Oh, mais monsieur, si je ne réussis pas, je n'ai pas de clientèle. On vous en procurera. Je vous lancerai, sapristi, un magasin de bottes. Je ne m'en suis jamais occupé, mais ça ne doit pas être plus malin qu'autre chose. Je vous lancerai comme un chocolat. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Oh non, je vous en prie, pas de remerciements, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, je suis abominablement pressé, je vous quitte. Et surtout, que cette petite affaire reste entre nous. J'aimerais pourtant qu'on sache à qui je non, dois... Non, non, non, si ça se savait, je connais mon pari. Tout le monde aurait là-dessus l'opinion que vous aviez vous-même tout à l'heure, et je ne sais pas si ça vous ennuierait. Mais moi, ça m'embêterait beaucoup. Vous voulez bien que je vous embrasse ? Non, donnez-moi le bout de vos doigts. Voilà. Et bonne chance, la petite patronne. Monsieur Bédarides tarde trop. Il faut que j'aille à la bourse. Vous lui direz que je reviendrai demain matin. Bien. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il travaille un peu sans moi. Benjamin n'est pas ici ? Non. Oh, beau-père, je viens de chez vous. On m'a dit que Benjamin ne m'y recevrait plus. Ne m'y recevrait plus jamais. En effet, elle ne se marie plus. Elle entre en religion. Voilà les dernières nouvelles. Mais c'est fou ! Le Figaro de ce matin... Ah, bonjour, mademoiselle. C'est fou. Ne vous tourmentez pas, elle vous reviendra. C'est possible, mais je ne peux plus vivre comme ça, chaoté entre sa passion et ses insultes. Mais voilà 18 ans que j'y vis, moi, monsieur, dans ces chaotements-là. Ah, pardon, pardon, ils sont votre œuvre, ils ne sont pas la mienne. De la rébellion ? Non, des plaintes. Eh bien, venez avec moi, je vais à la bourse. Après quoi, nous tâcherons de la joindre et de la faire revenir à de meilleurs sentiments. Je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, ma chère enfant. Tiens ? Qu'est-ce que c'est que ça, beau-père ? C'est mon portrait par Monsieur Bédarides. Votre... Oh, nom de nom ! Regarde, c'est tout à fait mon avis. Ah, cher monsieur, la pistole ! Tu... Ah, tiens, il est parti ? Oui, oui, à l'instant. Et qu'as-tu, Rosette ? Tu sembles toute drôle. Moi ? Non, Mais... j'ai rien. Et voilà que tu pleures ! Mais non, je t'assure. Alors, voyons, Rosette, dis, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu as raison, oui, il vaut mieux que je te le dise. Ben voilà, j'ai annoncé à Monsieur Lapistole mon intention de te quitter. Et de me quitter? Oui, oui, tu sais que je t'ai toujours promis. Te voilà célèbre, je veux pas t'empêcher d'arriver à l'Institut. Et alors? Ben alors, il a trouvé ça très bien de ma part. Trop bien! Dis, j'accepte pas un pareil sacrifice, moi, et après? Et après, il m'a donné un chèque de 25 000 francs pour m'établir. Un chèque de... Ah non, de non, dis, tu as de la veine. Tiens, le voilà. Oh, ah, c'est égal. Dis, j'aurais pas cru ça de la part de Monsieur Lapistole, ni de la tienne. 25 000 francs! Ouais. Alors, c'est bien, soyez heureux. Oh! Oh, Félicien, qu'est-ce que tu vas penser là? Il me semble que c'est assez clair, ah, non? Je savais que j'avais tort d'accepter. Eh bien, parce que tu peux croire une pareille chose, je veux pas de son argent. Et le chèque, tiens, je le déchire. Ah, non, non, non, Eddie, le déchire enfin, pas. Puisque tu... Non, mais le déchire pas. Un chèque de 25 000 francs, quelles que soient les circonstances, on le déchire pas. On le touche. Ah, c'est Paul. On m'aimait? Sur quoi t'es-tu appuyé tout à l'heure pour prétendre qu'on m'aimait? Mais sur l'évidence. Elle t'a dit, cette petite, qu'elle m'aimait? Eh bon Dieu, elle nous l'a prouvé à tous, non? En épousant Monsieur de Pavesac, n'est-ce pas? Mais elle ne l'épouse plus, Monsieur de Pavesac. Ah? Elle entre en religion. Elle va demander pardon, bon Dieu, de ta bêtise. Elle entre en religion? Et quant à moi, je t'en veux plus du tout. Mais alors, plus du tout. Et Lapistole, il a reconnu mes mérites. Et je vogue tout seul vers la fortune, mon bon. Mais ton échelle pourrie t'aura tout de même servi à quelque chose. Et vous avez très bien fait de revenir ici, Paul, car maintenant c'est chez vous, ici. Eh, Rosette a raison. En attendant que tu retrouves du travail, je t'hébergerai, comme tu m'hébergeas. Merci, Félicien. Ah, oh, mes pauvres amis, qu'est-ce que je vais devenir? Mais ça s'arrangera. Oh, je ne crois pas. Oh, j'ai une idée. Je vais lui donner mon chèque. Oh non, non, enfin quoi, c'est une manie alors, non? Dis, je passe un veston et je t'emmène. Je te le ferai toucher tout de suite, parce qu'avec ta nature, toi, hein. Et sa rancune, toi, Paul. Pauvre épave, va. Et à tout à l'heure. Alors, puisque cet atelier est à vous, c'est donc qu'elle n'y reviendra jamais. Qui? Benjamine Lapistole. Mais non, elle n'y reviendra jamais, puisqu'elle entre au couvent. Ben, j'aime mieux ça qu'elle entre au couvent. Bien entendu. Pourquoi bien entendu? Et parce que de cette façon, elle n'épouse pas Monsieur de Pavesac. Oh, oh, qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'elle épouse ou non Monsieur de Pavesac? Ah, oh, ça peut rien vous faire, Paul. Alors, hein. Dites Rosette, elle doit être malheureuse. Eh, dame, plus d'amoureux. Et un Monsieur Mingasol pour père, c'est pas gay. Non, mais de qui parlez-vous? De Mademoiselle Florise. Mais je parle de Benjamine et je dis que pour entrer en religion, il faut qu'elle soit très malheureuse. Ou qu'elle ait pris conscience des torts qu'elle a eus envers vous. Je lui demande tout de même pas une existence d'expiation. Je crois que vous la détestez moins. Qui? La Benjamine. Ah non, non, je ne la déteste pas moins, seulement je vais vous dire, Rosette, elle me hante. C'est à croire que les gens qu'on déteste vous préoccupent plus que les gens qu'on aime. Le fait est que vous ne parlez plus jamais de votre fiancée. Je n'ai plus le temps d'y penser, Rosette. Et puis, Floris et moi, nous nous sommes aimés tout de suite, ça a été simple et doux. Quand je murmure son nom, je suis ému, mais... Quand je pense à l'autre, je suis bousculé, j'ai envie de mordre. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, si, si, oh, si, oh, je comprends que vous êtes follement amoureux de Mademoiselle Lapistole. Ah, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Eh, que si elle entrait par cette porte... Mais si elle entrait par cette porte, je m'enfuirais par l'autre. Ah, non, non, j'en ai assez, moi, d'être tourmenté comme ça. Ça, non, j'en ai assez. Une visite pour monsieur. Qui ça? Sœur Benjamine. Comment? Sœur Benjamine. Mademoiselle Lapistole? Oui, mademoiselle. Mais comment a-t-elle su que j'étais ici? Je ne sais pas, monsieur. Ben, mais elle est chez elle, elle n'a qu'à entrer. Oh non, Rosette. Ah, mais elle n'a qu'à entrer. Et je suis gentille, la porte par laquelle vous deviez vous enfuir, c'est moi qui la prends. Oh, je suis ému, moi. C'est la colère, et évidemment, c'est la colère. Je suis heureuse de vous voir, mon frère. Non, c'est une plaisanterie, mademoiselle. Quoi donc? Cette soi-disant entrée en religion. Ah, vous savez, non, c'est très sérieux. J'ai la foi. Je me suis découvert la foi. Oh, c'est inouï, ça. Je venais ici pour embrasser mon père, mais comme on m'a dit que vous étiez là, j'ai désiré avoir avec vous, mon frère, une suprême conversation. Mais sapristi, votre mariage avec Monsieur de Pavesac était décidé à annoncer dans les journaux. Pourquoi l'avoir si brusquement rompu? Parce que je me sens indigne de lui. Indigne de lui? Oh, Monsieur de Pavesac, ce n'est rien. Et moi? Moins que rien, mon frère. Écoutez, mademoiselle, vous n'avez pas encore pris le voile, n'est-ce pas? Alors, si ça vous est égal, ça me gêne énormément que vous m'appeliez mon frère. Comme vous voudrez, monsieur. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est le portrait de monsieur votre père par Félicien. Ah, je prierai souvent le Seigneur qu'il pardonne à votre ami ce portrait-là. Mais enfin, cette suprême conversation avec moi, pourquoi avez-vous désiré la voir? Vous vous demandez pardon. Et pour vous promettre que je prierai le ciel de vouloir bien vous accorder une félicité sans nuage. Oh, il est bien temps. Je n'ai plus de situation. Vous voilà religieuse. Ce n'est pas demain que je la vois sans nuages, mais félicité. Ah oui, oui, oh, ça, j'ai été très méchante. Je me rends compte à présent que, dégagée des passions du monde, j'envisage de très haut les petits événements de la vie. Oui, moi j'y barbote dans les petits événements. Oh, il ne faut rien exagérer, le bonheur vous reviendra. La décision terrible que je prends éclairera M. Magasol, et alors... Mais M. Magasol, ne parlez pas de M. Magasol, ça m'est bien égal, moi, M. Magasol. Oh, que dites-vous là, mon frère? Non, je dis que le mal que vous m'avez fait est plus profond que vous ne pensez, et que ça ne m'avancera à rien du tout de vous pardonner. Non, à rien du tout. Je dis qu'à Suzy, je vous ai trouvé insupportable, qu'au ministère, vous m'avez rendu fou, et qu'à présent, avec vos idées de religieuse, vous m'exaspérez plus encore. Voilà ce que je dis, ma sœur. Oh, mon Dieu, est-ce que vous m'aimeriez? Je ne sais pas si je vous aime ou si je vous aime. Vous m'absorbez, là, vrai. Oh, vous m'aimez. Si je fais tout pour être à vous, vous m'avez repoussée. Et maintenant que j'appartiens au Seigneur, que je ne peux plus être votre femme, vous m'aimez. Alors, c'était vrai ce que disait Bédaril. Vous avez eu pour moi de l'amour, du vrai amour. Oui. Alors, j'ai une nature si contrariante. Tout nous séparait, j'étais promise à un autre. De votre côté, vous alliez vous marier. Vous avez toujours été désagréable avec moi. Alors, petit à petit, je me suis rendu compte que vous étiez différent des autres et que vous ne seriez jamais à moi, et je vous ai voulu. Oh, comme je vous ai voulu. Sœur Benjamin. Ah oui, vous avez raison. Je me calme. C'est une bouffée du passé qui me remonte au cœur. Mais c'est bien fini. Je ne vous aime plus. Oh, alors que me reste-t-il à faire? Il vous reste à m'imiter. Entrer dans les ordres? Oui, on m'a dit que les Chartreux étaient très bien installés là-bas, à Tarragone. À Tarragone, oui. Et où allez-vous, vous? C'est pas encore. On m'a parlé d'une très bonne maison en Autriche. Non, c'est loin de Tarragone, l'Autriche? Très loin. Oui, naturellement. Il y a la France qui va nous séparer. Et puis l'Italie. La Suisse. La Perse. Oh non. Oh non, c'est pas par là, la Perse. Mon frère Paul. Sœur Benjamin. Nous sommes bien malheureux, allez. Oh oui. Adieu. Avant de nous quitter, nous pourrions peut-être nous embrasser une dernière fois. Oh, si vous voulez. Je t'aime. Je t'adore. Regarde. Je te l'avais toujours prédit, moi. Oh, c'est curieux, c'est à chaque fois que je vous embrasse, on nous peint. Ah, monsieur Bédaride, je vous annonce notre mariage. Eh bien, écoutez, je vous accepte. Oui. Mais je vous accepte sans dot. Et alors moi, je chercherai une situation. Eh bien, elle est toute trouvée. Vous prendrez la sous-direction des usines Lapistole. Soit. Quant à vous, monsieur Bédaride, je vous nomme secrétaire général aux mêmes usines. Emploi créé, 25 000 francs par an. Et vous me demandez de briser ma palette? Pour 25 000 francs de rente. Je réfléchis. Oui. Je me demande de ce qu'aurait fait le Titien à ma place. Oh, il aurait pris les 25 000 balles. Oui, alors plus d'hésitation, j'accepte, moi. Et il aurait épousé Rosette. Oh, vous croyez? Moi, j'en suis sûre. Et puis, vous comprenez, pour reprendre tous les quatre nos bonnes relations avec papa, il faut faire comme nous, mes enfants. Il faut régulariser. Et je veux bien. Oh, c'est trop. Oh, mon chéri, il faudra tout de suite rendre à monsieur Lapistole les 25 000 francs qu'il m'a donnés. Oh, mais non, voyons ça. Quoi, elle est incorrigible. Oh, gardez-les, Rosette, ce sera pour le portrait. Très bien, comme ça, ils sont à moi. À une condition, par exemple, c'est que vous ne l'exposerez jamais. Ah. Enfin, on te trouve. Oh, bonjour, papa, tu fais bien de venir. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. D'abord, je n'entre plus au couvent. Très bien. J'en serais quitte pour aller faire des excuses au bon Dieu le plus tard possible. Et puis j'épouse Monsieur Paul Normand. Ça, jamais. Après l'algarade du ministère, jamais. Tu as tort. C'est devenu un très bon parti. Il vient d'être nommé sous-directeur de tes usines. Je le révoque. Oh, monsieur la pistole. Et je refuse mon consentement. Eh bien, ça nous est égal. Parce que tu nous le donneras demain. Comme elle me connaît. La Comédie Française a interprété pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique. Une émission de Jacques Régnier et Jean Debert. Ce soir, vous avez entendu La Petite Chocolatière, comédie en quatre actes de Paul Gaveau, avec le concours de messieurs Louis Seignier, La Pistole, Jacques Charon, Paul Normand, Georges Chamara, Magasol, Robert Hirsch, Félicien Bédaride, Maurice Portera, Monsieur Boissy, Louis Aymond, le récitant, Georges Baconnet, Monsieur Toupet, François Vibert, Casimir, René Arieux, Pinglet, et Bernard Desrans, Hector de Pavézac, et Mesdemoiselles Micheline Boudet, Benjamine, Yvonne Godot, Rosette, Javotte Lehmann, Julie, et Denise Pezzani, Florise. Prise de son, Jacques Perrier. Collaboration technique, Alain Gavalda et Claude Armand. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante de l'émission, Marthe Labastie. Notre prochaine émission aura lieu le jeudi 7 août. Vous pourrez entendre Les deux écoles d'Alfred Capus.